C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Le plus aujourd'hui à Assemblage Requis, on a Stéphanie Paradis, sa chronique Patate de Sofa, et la Véronique Lopétit de Véronique Mir, entamant un autre volume. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour les bienvenus à Assemblage Requis en ce 26 octobre, jeudi de l'année 2017, hein, bien sûr. Mm-hmm. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, oui, en Mauricie. Absolument. Sachez-le, il fait très noir ce matin. J'ai l'impression d'animer une émission de fin de soirée en je ce moment. Je sais, hein? Je suis partie de chez moi ce matin, puis je suis partie avec mon produit pour une grosse pointe à l'adresse. Puis je dirais que je me sentais comme si je m'en inspirais au restaurant en plein hiver avec des amis. Tellement. Est-ce que tu as amené un produit à citrouille? Ah, tu vas savoir. Mais non, il n'y a pas de citrouille, malheureusement. Parce que je pense qu'on a oublié de se donner la thématique. Oui. C'est la dernière, une grosse pointe à l'adresse avant. Ben, on en avait parlé, on en avait discuté de ce que j'allais amener la semaine dernière. Ah. Si nos auditeurs ne sont pas comme Mathieu Plante, vous vous souvenez de quoi on a parlé. Si vous êtes comme Mathieu Plante, vous ne savez pas parler tout de quoi qu'on parle. Si vous êtes comme Mathieu Plante, vous avez commencé l'émission sur le fly parce que vous étiez en train de vous moucher puis de vous défaire le système. C'est bien ça. Poumons et d'œsophages pendant que la publicité jouait. Exactement. C'est de toute beauté. Donc, je m'en venais comme ça, puis j'ai traîné mon super smoothie. Ça m'a fait découvrir le nouveau monde pour moi des smoothies. Le Magic Bullet. J'ai une recette pour toi. OK. OK. Tu mets des fraises. Oui. Okay. Tu mets des framboises. Oui. OK. Une barre tendre au beurre d'apina. Ah, OK. Puis du sirop à la toux. Puis du sirop à la toux. C'est parfait, là. J'espère que t'as dilué un petit peu le tout avec un petit peu plus de liquide que du sirop. Beaucoup de lait, c'est bon. Exact. Ça dit sur la boîte que ça demande du liquide. Je suis pas sûr qu'il parle de sirop pour la toux. Ouais, non, je ne croirais pas. Bref, on va commencer cette émission-là, même si ça commence avec moi qui a de la misère un petit peu. Plus tard, on va avoir Véronique Mire et sa chronique La Véronicloopédie. Elle va nous parler aujourd'hui de cœur d'artichaut, d'hibernation, de broyer du noir et de fermer sa boîte. Oh, d'accord. Beaucoup de sujets, beaucoup de sujets. C'est intense. Ouais. Ça, c'était à 7h30, dans une demi-heure environ. Ensuite de ça, à 9h, Stéphanie Paradis va être là pour sa chronique Patate de Sofa. Il nous fait découvrir une chronique souvent sur Netflix qu'elle a regardée pendant la semaine. Oui. J'ai hâte de voir ce qu'elle veut nous présenter cette semaine. Moi aussi. Et en fin d'émission, vers les 9h30, une grosse pointe d'adresse. On a déjà parlé de ça. Qu'est-ce qui s'en vient plus tard dans Tania's Gonna Entertain You? Mais comme à chaque jeudi, on va faire un petit peu un tour de l'actualité, ce qui s'est dit, ce qui s'est peut-être pas dit. Vous allez voir, beaucoup de sujets très diversifiés aujourd'hui. Et aussi, on va peut-être aborder, tu parlais d'une grosse pointe d'adresse avec une thématique citrouille, mais on va peut-être parler un petit peu de bouffe aussi aujourd'hui. Ah, fantastique! Moi aussi, j'ai une thématique alimentaire, bien sûr, dans son foutu palmarès dans quelques instants. Mm-hmm. Mais on débute avec, tiens, on a parlé de cœur d'artichaut il y a quelques secondes. Oui! Ah, j'aurais envie de la garder pour la chronique de Véronique. OK, j'annule la chanson que j'avais choisie. OK. Parce que c'est trop parfait. J'en choisis une autre. On écoute Danny Placard. Voici Full Face. C'est tout de suite à Assemblage Requis. Cesse de parler, je t'en supplie. Je voudrais rester seul. On sait que la nuit t'en a trop dit. Quand le jour se ferme la gueule, j'mets mon full face body. Et enfin, je serai seul. J'fais du vacarme pour te faire peur. Même si le calme et la noirceur veulent se coller sur moi comme un plat cesse de parler, j'en peux plus. Je voudrais rester seul. Le ciel est bleu à perte de vue. La nuit se ferme la gueule. Je mets mon full face body. Et enfin, je serai seul. Je fais du vacarme pour te faire. Dali Placard et la pièce Full Face. L'assemblage requis, on est en train de discuter le smoothie recette que tu vas me partager plus tard, je pense. Voilà, je sens que tu as hâte, Mathieu. J'ai très, très hâte. Moi vraiment. Aussi, j'aurais hâte si j'étais toi. J'ai encore de la misère. Ma voix, vous avez compris que j'ai encore de la misère avec ma voix et mon rhume. Oui, mais fort mieux que jeudi dernier, par contre. Fort mieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis allé voir le médecin hier. Mm-hmm. Donc, si tout va bien avec les antibiotiques que j'ai commencé hier soir, ça devrait aller mieux d'ici, j'espère, lundi prochain. Est-ce que tu as eu un diagnostic? Non. Mais mon médecin est bizarre, pour vrai. Mon médecin, il m'a dit, ça fait 8 jours. Là, c'est le 9e jour que j'ai le rhume. Okay? Mm-hmm. 9 jours. On s'entend quand tu dépasses une semaine, c'est pas mal. Tu sais. Donc, ça commence à être. Aide beaucoup. Tu sais, puis c'est de plus en plus intense, là, ça s'améliore pas. Là. Fait qu'il m'a dit, tu sais, je te prescris des médicaments, mais tu sais, attends 2-3 jours avant de commencer à les prendre. Mm-hmm. Si dans 2-3 jours ça va pas bien, ben commence à les prendre. Ça m'a ramené à genre dimanche. Tu sais, j'aurais eu encore le rhume probablement la semaine prochaine au complet. Tu sais, ça fait 2 semaines de suite qu'on fait 3 jours d'émission semaine. C'est pas super cool. Mm-hmm. C'est pas super cool. L'autre fois, c'était à cause d'un congé d'action de grâce, hein. Ouais. Ah, j'étais juste parti plus tôt dans la journée. Bref, peu importe. Non, je sais pas ce que c'est. Probablement une sinusite ou quelque chose qui finit par hit. Que voulez-vous? Tout ça pour dire que maintenant, c'est le moment de ma chronique du début d'émission. Comme ça, on va se faire rapidement quelques listes dans ce qu'on appelle le son foutu palmarès. Pour le mieux, jusqu'à ce que je tombe sur sa j'ai entamé ma descente sur son coup. Merci à la chronique qui est allée une liste sur un sujet plus ou moins précis. En fait, une ou plusieurs listes dépendant de la journée. Aujourd'hui, on a une thématique, comme toujours, pour fast-food. Oui. Oui, on commence avec les frites. Le jeudi. Ben, c'est ça. Ça dépend. Il y a des semaines où je suis plus chocolat, chips, peu importe. C'est vrai? La semaine passée, c'était chips. Jeudi dernier. C'était chips? Oui, Doritos, me semble. Ouais, ouais. Peut-être, quelque chose comme ça. Bref. Pringles, oui, je me souviens. Oui. Je me souviens des Pringles. Cette fois-ci, donc, on y va avec des patates pour commencer. Avec des frites tellement délicieuses qu'on peut pas s'empêcher d'en manger des tonnes. Mm-hmm. Hein? Y a même la National French Fries Day, bien sûr, qui existe. Et bien sûr, ça fait partie aussi du menu canadien, la poutine. Ben oui, clairement, clairement, ça prend ça. Plein de choses qu'on connaît déjà. Mais allons-y avec des faits un petit peu moins connus. Par exemple, que les Belges mangent plus de frites que n'importe qui d'autre. Ah ouais? Ouais, les Belges consomment plus de patates frites per capita que n'importe quel autre pays. Environ 165 livres par personne annuellement, selon les statistiques de 2010. L'Américain moyen mange environ 48 livres de toutes les variétés de patates pendant l'année. Le USDA américain dit que les frites jouent un rôle majeur dans le fait que les patates sont le légume le plus connu aux États-Unis. Plus populaire, bien sûr. Oui. C'est Thomas Jefferson qui a amené les frites aux États-Unis. Hmm. Ouais, c'est probablement lui qui a rencontré donc les patates frites et tranchées pendant qu'il servait comme ambassadeur américain en France, où les frites étaient déjà savourées là-bas depuis 1760. Il a détaillé plus tard une recette dans ses écrits entre 1801 et 1809, selon la recherche de Lingle. C'est une des premières recettes de frites connues. Jefferson a utilisé le terme français frire, F-R-I-R-E, pour faire frire à la friteuse plutôt que le mot pan frying, comme faire frire dans une poêle, un poêlon. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le père fondateur des frites américaines. Une compagnie fabrique le tiers des frites du monde. Ben voyons. Est-ce que tu veux deviner? Qu'est-ce qu'on connaît comme marque de frites? McCain, bien sûr, j'aurais pu dire Cavendish, mais bref. Oui, mais je te dirais que je pense que personnellement, je connais plus les McCain. Oui, c'est plus grand public. Oui, c'est ça. Pas cher souvent. Aussi. Donc, McCain Foods, c'est le plus grand producteur de frites congelées. Ceux qui sont fabriqués en usine puis réchauffés dans les restaurants et les maisons. Une frite sur trois au monde vient de chez McCain. Ouh là là! Ouais. Ça fait de la frite, ça, mes amis? Hey boy! J'ai vu venir ça. Ensuite, il y a des machines distributrices de frites. Ah oui? Incroyable, dans les années 90, Or Ida Foods avait plus de 300 machines distributrices qui fabriquaient donc des frites bien chaudes en moins d'une minute en utilisant de l'air chaud. Les machines à frites existent toujours, mais on n'a pas de mention contemporaine des machines de Or Ida, donc on s'imagine que la compagnie, elle, n'existe plus. Les épiceries belges ont une machine qui va faire frire vos patates dans du gras de bœuf et va vous les recracher en 90 secondes. Mm-hmm. Fou pareil. Un autre prototype de machine distributrice de frites a été lancé à l'université Dutch. Une université hollandaise, et non pas Dutch University, en 2015. Les frites sont pas si mauvaises pour la santé que ça. Quelques études nous apprennent donc, que faire frire des patates dans l'huile, ça augmente le niveau d'antioxydants dans le plat. Donc les antioxydants vont probablement pas vous sauver des problèmes de santé reliés à l'obésité, mais c'est pas la pire excuse à utiliser pour manger des frites une fois de temps en temps. La première famille américaine, avant celle qu'on a en ce moment puis qu'on regrette depuis quelques mois, là, ouais. La famille Obama adore les frites. C'est vrai que Barack a l'air d'un gars qui aime les frites. Absolument, absolument. Barack Obama, donc, qui est connu comme un des présidents préférés de tous, mm-hmm. Je dirais. Il a un penchant pour la chaîne de fast-food Five Guys. OK. Ouais. Il va même offrir des fois des frites à ses contribuables, donc aux Américains moyens, de sa propre assiette quand ils mangent dans des restaurants. C'est cool. Michelle Obama, on la connaît pour son aspect plus santé. Elle a promis de prendre une pause des frites en 2014 après avoir dit que c'était sa nourriture préférée en 2009. Oh! Empêche-toi pas de vivre, Michelle. Mais non, vas-y. C'est la modération l'important, là. C'est ça. Les fausses frites font vraiment beaucoup d'argent. Les fausses frites. Fausses frites. En 1990, l'artiste Stéphane Bonnenberger, un nom prédestiné, je pense, ouais, hein? A exposé une sculpture fabriquée en or qui montrait deux frites croisées un peu comme des épées ou des fers, okay. Appelant ça pomme d'or. Mm. En 2012, une galerie a perdu les deux frites utilisées comme modèle pour la sculpture dorée. Et non. Bonnenberger, oui, a réussi à les poursuivre pour 2000 euros. 2650 $ américains environ. Même les frites qui ne sont pas en or ont de la valeur. En 2005, McDonald's a mis en chaire une fausse frite, une frite accessoire, donc fake, mm-hmm. Qui était supposée ressembler à Abraham Lincoln. On l'avait vu dans une publicité du Super Bowl cette année-là. Bref, ils l'ont vendu pour 75 000 $ US. Ça a été donné à la maison, aux charités là, de maison d'accueil, le Ronald McDonald House Charities. Hmm. Ensuite, l'Agence spatiale européenne a testé comment les frites survivraient dans l'espace. En 2014, une étude avec une paire de chercheurs grecs ensemble avec l'ESA pour tester la gravité et les effets que ça a sur la friture. En utilisant un centrifuge, ils ont appris que plus la gravité est forte, plus les frites sont croustillantes. La frite croustillante parfaite serait faite à 3 fois la gravité de la Terre. Et tristement pour les astronautes sur la Station Spatiale Internationale, la recherche nous indique que les frites en microgravité seraient toutes molles et vraiment très mauvaises. Bon savoir quand même. Il y a un ode aux frites. En 1982, John Calvi, oui. On dit auteur pour Quaker. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un auteur pour Quaker. C'est le gars qui écrit ce qu'il y a en arrière des les slogans, peut-être, je ne sais pas. Donc, il a inventé un argument mélodieux pour les patates frites et aussi pour annoncer, pour plaider pour la paix dans le monde. Donc, ça dit, et là, je vais le dire en anglais un peu. Oui. Ah, super. On va se laver les cordes vocales là-bas. C'est merveilleux. Je cite, « Something the army, the bombs and the guns will one day save all of our lives. I don't believe it. Heat up your pans, make peace and lots of French fries. » Donc, certains pensent que l'armée, les bombes et les fusils vont un jour nous sauver la vie. Je ne le crois pas. Chauffez votre poêlon, faites la paix et beaucoup de frites. Wow. Magnifique. Tout qu'un slogan. Vraiment, hein? C'est un écrivain pour Quaker. Merveilleux. Ensuite, on va continuer avec... on va essayer, en tout cas, avec 10 nourritures qui n'expirent jamais ou presque jamais. Ouf! On dirait que ça me fait peur, ça. Ouais, ben, tu sais, on sait que, bon, il y a des fruits secs qui vont durer très longtemps. Oui, oui, définitif. Le petit gâteau aux fruits secs qu'on reçoit des fois aux fêtes. Oh, mon Dieu, non, ça pourrit, ça, un jour. Un jour, oui, mais ça reste très longtemps. Hey! Je pense que... Ça dure des années et des années, là, ça, là. Exactement. Je suis sûr qu'il y en a qui sont encore ces tablettes depuis des siècles et des siècles. Vu Nicolas, les gens vont les acheter quand même, les grands-parents. Oh, c'est tellement pas bon. Les gens se les donnent de l'un à l'autre, je pense. Peut-être. Bref, ça que le thon en canne, qu'on se dit que c'est des choses qui durent quand même assez longtemps, si tu veux emmagasiner des choses pour une urgence. Commençons par le riz blanc. Mm-hmm. Les chercheurs nous disent que le riz blanc, le riz poli, va maintenir son contenu nutritif et sa saveur pendant 30 ans. Lorsqu'on le met dans un contenant sans oxygène, dans des températures à moins de 40 degrés Fahrenheit. Le riz brun, par contre, lui, ne dure pas aussi longtemps, 6 mois, à cause des huiles naturelles qu'on retrouve dans les couches du riz. Ensuite, bien sûr, je pense que le plus évident, c'est le miel, qu'on appelle la seule nourriture qui dure vraiment toute la vie, grâce à de la chimie magique et le travail des abeilles. Le nectar des fleurs se mélange avec des enzymes à l'intérieur des abeilles qui l'ont extrait, ce qui change la composition du nectar et les effets en sucre simple qui sont déposés. Bref, vous connaissez le miel, pas besoin de vous en parler plus longtemps, à part peut-être quelques petits détails comme le plus vieux pot de miel qu'on a trouvé. On croit qu'il y avait environ 5500 ans. Et hey boy! Voilà. Ensuite, le sel. Oui, ben oui, clairement. À part le fait que quand tu mets ton sel et ton poivre sur ton dessus de poêle, avec l'évaporation de l'eau, des fois, ça fait que ton sel devient tout pogné dans un pot. Oh, mon Dieu, je vais arrêter de faire ça. Je le frappe contre le frigidaire puis il sort défait. OK. Je suis vraiment de même. C'est ça. Vraiment violent. Donc, j'étais en train de dire que le chlorure de sodium, c'est ça qu'on dit, est un truc minéral, oui, qui est, ça va vraiment mal à mon nez en ce moment. Ah, ça va, ça sonne bien. Merci. Ça me fait plaisir. Je vais essayer de continuer. Bref, on dit que c'est utilisé pendant plusieurs siècles comme outil pour préserver d'autres nourritures parce que ça enlève l'humidité. Oui, ben oui, c'est vrai. Ouais. Le sel dans ton armoire pourrait ne pas durer toute la vie. On dit chez Morton Salt qu'ajouter de l'iodine au sel de table, ça réduit la durée de vie du sel. Oh. Donc, si ton contenant dit iodized salt, ça devrait durer environ 5 ans. Ah, OK. C'est ce que je crois la plupart des marcons du iodized salt. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Ensuite, la sauce soya. J'adore la sauce soya tellement. C'est pas mon petit accompagnement préféré, moi. Ça dépend de la marque. VH, je l'aime pas trop salé. Je trouve tellement ça salé. Ouais, c'est trop salé. Celle qui est en petit pot de vitre avec un dessus vert là, ou rouge. Là. Oui. Je me rappelle pas du nom, mais on la voit au restaurant des fois. Là. Mm-hmm. Ça, c'est plus sucré. Ah c'est oui. C'est vraiment bon. OK. En tout cas, bref. Moi non plus, j'aime pas le sel dans les soupes, dans les. Tous les produits commerciaux comme ça, j'aime pas trop à cause du sel. Bref, le consensus, pour la plupart des gens, ça dépend en fait du type et de l'additif d'une marque en particulier. Mais lorsqu'on le laisse fermer, la sauce soya va durer très très longtemps. Même après avoir été ouvert, le condiment salé peut être gardé pendant des années dans votre réfrigérateur. Faut garder ça dans le réfrigérateur? J'ai toujours fait, toi, non? Non. Je sais Ma mère, elle a toujours gardé la sauce soya dans l'armoire. Ben, Je ne sais pas, en fait. Salutations à ma mère, oui, en passant. Absolument. Qui fait ça depuis que je suis toute petite. Alors, je fais ça aussi. Ça dépend, je pense, de nos familles. C'est ça. Moi, je me rappelle ma grand-mère. C'est pas bon, la sauce soya froide? Oui, c'est très bon. Il y a des gens qui gardent le ketchup dans l'armoire. Moi, j'ai mon frigo. Ça dépend de ton éducation. Ensuite, le sucre. Oui, ça aussi, ça dure longtemps. Ça dépend de la méthode, évidemment, pour le garder dans une armoire ou ailleurs, à l'humidité ou pas. Donc, c'est ça va déterminer si vous allez pouvoir le garder longtemps. Le sucre en poudre ou en granule, c'est mieux de le garder dans un contenant à l'épreuve de l'air, donc de airtight, comme on l'appelle, comment t'appelles ça? Pas sous vide. Je me rappelle pas du mot pour quand il n'y a pas d'air. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Pour empêcher l'humidité. Hermétique, voilà. Pour garder l'humidité au loin. Les compagnies qui fabriquent du sucre doivent estampiller leur sac avec des dates. Oui. Mais les manufacturiers disent que même de la cassonade dure, très, très. Du sucre brun, comme on l'appelle, est toujours mangeable, même une fois que ça a été ramolli. Ah, OK. Ensuite, des fèves séchées. Ouais, mais tu fais quoi avec des fèves séchées? Ben, j'imagine que t'es mis dans des soupes, des trucs comme ça, non? Ouais, qui t'es fait bouillir. Ouais, je pense que oui. OK, peut-être. Ça ressemble au riz un petit peu. Les chercheurs chez Brigham Young University ont appris qu'après 30 ans, la qualité des fèves pinto descendait un petit peu. On dit que tous les échantillons étaient quand même acceptables dans des situations d'urgence, mais qu'au moins 80% des panélistes dans le sondage trouvaient que c'était correct, mais tu sais, seulement pour les situations d'urgence. Et on dit que est-ce qu'on peut dire digestibilité? La digestion. La digestion, ouais. La protéine de ces fèves-là reste stable à travers le temps. Donc ça reste. Ouais, mais là, 30 ans, mange-les avant, là. Sinon, pourquoi t'es haché? Ben, pour les situations d'urgence, des fois dans ton bunker pour la Troisième Guerre mondiale. Ah oui, exact, ok, c'est bon. Depuis l'élection de Trump. Oui. Ensuite, le sirop d'érable pur. Oui! Dans A Guide to Food Storage for Emergencies par Utah State University, ça liste le sirop d'érable pur parmi d'autres sucres commerciaux comme le miel et le sucre granulé, comme ayant une vie indéfinie, étant donné leur résistance aux microbes, dont la moisissure. Pourquoi, hein? Je sais bien pas. Ben, je sais pas. La Massachusetts Maple Producers Association est d'accord que du sirop d'érable qui n'est pas ouvert va durer pour toujours, mais il donne toujours des instructions si jamais il y avait de la moisissure. S'il se forme la moisissure sur la surface, vous devriez faire bouillir le sirop, enlever la surface, bien sûr, avec la moisissure et verser ça dans un contenant propre et le réfrigérer. Ah. Ensuite, du lait en poudre. Ouais, non, vraiment pas. C'est pas très, très bon du tout. Mais une des raisons principales pour laquelle le lait en poudre existe toujours est parce que ça dure plus longtemps. Mm-hmm. C'est aussi plus facile à transporter et à mettre de côté que du lait frais. Pour ton bunker, évidemment. Bien sûr. Ensuite, de la liqueur dure. Oui. Hein, de l'alcool fort. Vous devriez jeter vos liqueurs à la crème et tout ça, mais si vous voulez garder quand même de l'alcool à long terme, les saveurs vont changer à cause de l'oxydation, mais une bouteille ouverte pourrait manquer quelques onces à peine à cause de l'évaporation. Oui, oui, clairement, ça s'évapore, ça. Vos spiritueux, eux, vont être corrects à boire tant et aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui va être présent pour les boire, parce que ça dure pour toute la vie. Ensuite, ce que je connais moins, c'est de la viande, c'est du pemmican. OK. Inventé par les tribus amérindiennes. Le pemmican, qui est une viande favorite des survivalistes qui cherchent une source de protéines à long terme. Il y a des recettes pour ça, d'ailleurs, en ligne, si vous voulez aller voir ça. Le pemmican peut être mangé cru, frit ou bouilli. OK. Et c'est ça, il y a des recettes qui sont modifiées sur Internet pour changer le goût un petit peu de ce pemmican-là. C'est une sorte de viande. Il n'y a pas vraiment de détails. Bouilli, en fait, là, pas certaine, moi. Non, c'est ça, vraiment. Si je suis en train de mourir dans le bois, peut-être, là, mais. Je crois que pemmican n'est pas le nom de la viande, mais plutôt de la recette, parce qu'on utilise des viandes séchées de gros animaux comme des buffles. Ah oui, peut-être. Ouais, qu'on transformait en poudre et ensuite qu'on mélangeait avec des baies, des petits fruits et du gras. Fort possible. Le pemmican fini peut être ensuite mangé cru, bouilli ou frit. Voilà. Là, on se comprend. Oui. C'est ça. Ensuite, est-ce que je prends le temps pour un autre? Non, pas vraiment. On regarde ça pour une autre fois. Mm-hmm. Le prochain ressemblait à celui-là de toute façon. Bref, allez voir assemblagerequis.com pour les liens de cette chronique de son foutu palmarès. On prend une pause. Au retour, on va s'éduquer un peu. Exactement, avec Véronique Mire. Et sa Véronique Loupézi. Restez là. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. À

Queen. Beau. Oui, Ben Sinister avec Move a Little Slower. Queen, tu dis le nom de Queen. Il y a une émission de rock classique qui s'arrive vendredi, puis sa photo sur le site de C'est Fou, c'est Queen. Ouh, spécial peut-être. Je pense qu'il va y avoir du Queen vendredi. Je sais pas comment Tania a fait pour écouter des affaires en plus d'écouter une super bonne tune en plus de nous qui jasons. Mais Tania a de la concentration de fou. J'ai suivi les trois choses qui se passaient en studio t'es ce matin. T'es sûr que t'as pas comme trois enfants? Parce que les parents sont bons là-dedans. Non, mais c'est vrai. J'ai zéro enfant. Si j'en ai, j'ai jamais été mis au courant. Salut PA, non, je je les ai pas pondus. Ils sont pas sortis de toi. C'est ça, exactement. C'est un miracle. Bref, la fille, c'est comme un contrat de TDAH. Je sais pas s'il y a un contrat de TDAH comme genre trop focusé. Trouble de trop d'attention. Je sais pas. Peut-être. Parfois, je vais vraiment avoir de la difficulté, par exemple, à faire deux choses en même temps. Mais là, ce matin, j'ai réussi à savoir que Véronique, en temps normal, elle reste chez eux, sur le sofa, elle fait pas grand-chose. Hier soir, elle est sortie, là, elle est amorphe. Par la suite, j'ai écouté une vidéo en même temps, je suivais ce qu'elle disait. « Fille, t'as le droit d'avoir une limite. » Puis toi, ben, tu parlais de musique. Oui, puis il y avait Ben Sinister qui jouait en arrière, puis c'était super bon, puis ça ressemble à vous. C'est malade! Quel matin entraînant, n'est-ce pas? Ça doit être l'espresso que j'ai bu. Ça doit être ça. Donc, Vive avec Mire, vous l'avez entendu, elle est là pour faire sa chronique de la Véronique Lépédie, comme à chaque deux semaines. Et il faut se mettre dedans un petit peu d'habitude. Il faut au moins avancer près de l'eau. Après ça, il va y avoir un petit léger comme... Avouez qu'il n'y a rien de mieux que de s'imaginer sur le bord d'une plage avec une encyclopédie s'éduquer. Quand même, hein? Tu t'éduques, tu te fais des bras parce que ça pèse une tonne, mais là, c'est dans tes oreilles puis t'as rien à tenir dans tes mains. C'est merveilleux. Raide. Incroyable. Tu peux même boire une petite pina colada. Tellement. T'es pas à cette heure-là, mais... Ah, ben, pourquoi pas? Il y a pas d'heure. Il y a du lait là-dedans, c'est correct? Ouais. Dit à quelque part, on dit. Une nouvelle sorte de céréales. Donc aujourd'hui, on a des jeux très, très variés. Tu nous as mentionné sur Internet que tu allais parler de cœur d'artichaut, d'hibernation, de boise noire et de se fermer la boîte. Eh oui, mais tu sais, j'essaie toujours de donner des petits aperçus sans trop donner d'idées. C'est pas évident. Non. Mais je me suis dit peut-être que ça va teaser certaines personnes. Ah. Nous, en tout cas, on est... fébrile. Oh oui. Sur le bord de notre siège. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer là, cette édition de la Véronique-lopédie. Et je vous avais dit la dernière fois que je continuerais une petite affaire du côté de l'animation dans les films d'animation. C'est vrai. Donc, d'Inside Jokes, en fait, c'est la dernière fois parce que je sais que Tania est fan finie d'animation. Oui, ben oui, ben oui. Elle en a regardé au moins deux dans sa vie au complet. Tu sais. La Belle et la Bête, puis Cendrillon. C'est ça. les Minions, Despicable Me. Oui, oui, oui, ça, je suis d'accord. Mais qui n'était pas Moana. Une bonne affaire. J'en ai quand même, hein? Une moyenne de quatre. Tu l'as aimé, Moana? J'ai adoré Moana. Je pourrais le réécouter à chaque dimanche matin. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai réécouté la chronique la dernière fois. On hésitait, hein. Tania, tu nous avais demandé, tu sais, Pixar, Disney, c'est la même affaire. Oui, c'est la même affaire. J'ai hésité, puis j'étais tellement pas fière de moi, là, tu sais. J'étais comme, ben oui, tu sais. Bon, chez nous, je me suis dit. Mais avant, ça l'était pas, si je me souviens bien. Non. C'est Disney qui a acheté Pixar. Ah là, tu vas trop loin. Ben, moi, je pensais que Pixar, c'était fait par Disney. Mais bon, ça n'est pas grave, mais bon, c'est pas ça le but d'aujourd'hui, bon, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, c'est ça. Mais Disney-Pixar, ça a toujours été Disney-Pixar, fait que je pense que c'est Disney-Pixar. La technique de genre rappeler le malaise à se passer pour créer un autre malaise. Malaise, c'est merveilleux, hein? T'as-tu vu ma technique? Bon. Hey, c'est pas pire. Fait que tu vas écouter ça. Fait que moi, j'ai fini. Tu vas revenir la semaine prochaine. Tiens, ben ouais, j'avais dit c'était la même affaire, mais est-ce depuis le début la même affaire? Autre question. Alors, je revisite des classiques de Disney et aussi de Pixar, mais on est vraiment dans les classiques. La dernière fois, on avait parlé de Zootopia. Oui, c'est ça. Chose que je n'ai jamais vue. Mais c'est très bon. OK. Ça en est un bon. Parce qu'il y a de l'action et tout ça. C'est quand même... ouais, je pense que tu serais pas déçu. Je vais vous dire c'est quoi le problème avec les animations de mon côté. C'est... Il n'y a pas de logique derrière. Je comprends pas qu'un animal puisse parler. Ah, ben d'abord, Zootopia, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est ça. On appelle ça le suspension of disbelief. C'est genre suspendre le fait que tu crois pas à tout. Pourtant, j'ai une bonne imagination. J'aime Harry Potter, ce genre de choses-là. La magie. Mais là, il n'y a pas de magie dans Zootopia. Ils font juste parler. Ouais, non. Mais c'est des bonhommes, fait qu'ils ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Hey, ouais. Est-ce que vous connaissez, en français, ça s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité? C'est ça, je souffre de ça. Ça décrit l'opération mentale qu'effectue le lecteur ou le spectateur d'une œuvre de fiction qui accepte, le temps de sa consultation de l'œuvre, de mettre de côté son scepticisme. Ça a été nommé en 1817 dans un texte de Coleridge. On l'appelle plus souvent suspension volontaire de l'incrédulité, la suspension d'incrédulité, la trêve de ça ou la suspension délibérée de l'incrédulité. Fait que la ski ou la svi, c'est ça. Oui, oui, oui, exactement. Par son acronyme. En acronyme, quand exact. Même. Alors, je vais essayer d'essayer ça le prochain. Ouais. Mais Harry Potter, tu sais, au moins. Mais il est pas un bonhomme. Non, non. Non, ça reste faux. Mm. Ouais. Mais là, c'est le temps hein, de revoir ces films-là, justement, okay. Avec l'Halloween qui s'en vient. Ouais. Puis, on me demande tout le temps, parce que moi, je suis fan d'Harry Potter, mm-hmm. J'ai fait mon mémoire de maîtrise oh là-dessus, mon Dieu! D'ailleurs. Puis, tu sais, le regardes-tu plus à l'Halloween ou à Noël? Ben, les Noël! Oui, je le commence comme, mettons, là, fin octobre. Ouais, ouais, ouais. Puis, je m'enligne ça jusqu'à Noël. Tes étals hey, sur c'est... le... Ouais. Ouais, j'aime ça. C'est merveilleux. Les lire et tout. Ah. OK, donc, je les lis pas, par exemple. Non. Je les regarde. Ah, oui. Ah, c'est pas laid. Moi, je me suis payé le coffret en anglais. Oh, des un beau coffret, là, on dirait que les livres sont comme en velours, ils sont vraiment, oh. Vraiment beaux. Non, ils sont non. Pas rigides, okay. Mais ils ont été refaits, puis les oui. Pochettes sont tellement c'est belles, c'est ah, écœurant. Je me suis dit, ah, faut que je me paye ça. Fait que, bon, voilà. Alors, de retour, classique Disney, oui. Classique Pixar. Donc, un petit retour dans le temps, parce qu'on part de loin quand même. Mm-hmm. Je vous rappelle que c'est les inside jokes dans l'animation, donc quelques-uns. Dans Who Framed Roger Rabbit, ça, ah, ça remonte. Ça, j'aime les... ça. Ça remonte, ce film-là, qui était en partie un film d'animation, hein, parce ouais. Qu'il y avait quand même des acteurs. Moitié. Te souviens-tu en quelle année ça a été sorti, ce film-là? Je dirais fin des années 80, peut-être 80... je veux dire 9. Ah, t'es pas loin! 1988! Oh, hey, oh. J'aurais dit et ça. Oui. Donc, quand Eddie, hein, le policier ou l'enquêteur, là, rentre dans une toilette, une salle de bain de la ville Toontown, mm-hmm. Là, il voit sur un mur écrit dans la toilette « Pour avoir du bon temps, appelez Alison Wonderland. Ouais. » Et dans le message original, il y avait le numéro de téléphone du CEO de Disney, Michael Eisner, qui était écrit, qui a été effacé quand le film a été... envoyé là, donc, dans le grand monde. Il a gardé son numéro de téléphone. Le gars, tu sais, dans le film, à l'origine, il était là. Puis à la place de dire, genre, OK, je vais changer de numéro de téléphone, laissez votre numéro dans le film. Ouais. Il a gardé son numéro, puis ils ont dit au film... Efface-le. Wow. Quand même, c'est pas rien. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des insides entre films. C'est des insides aussi dans l'équipe de production. Mm-hmm. Donc, juste pour vous replacer dans le contexte. Ensuite, dans le film La Petite Sirène. Ben oui. Donc, hein, ça, c'est en 1989. Je l'ai vu, lui, en passant. Ça yeah. Monte à 5, là. Oui, oui, oui. Mais j'ai vu les classiques, là. Ouais. Et là, dans La Petite Sirène, on a plus les classiques, justement, les Hidden Mickeys ou les Mickey Mouse qui font mm-hmm. leur apparition. Ah ouais? Mais il faut savoir vraiment où regarder. Quand Ursula, là, bon, La Petite Sirène, Ariel va voir Ursula là, pour... comment faire pour ouais. Rencontrer ce charmant jeune homme que j'ai vu. Puis là, elle regarde sur un espèce de rouleau là, des formules magiques qu'elle pourrait faire puis tout ça pour hey, l'aider. Les gens chialent contre les gars qui vont chercher les filles sur Spotted. Là. Elle va chercher un gars chez une sorcière. Ça passe. Tentaculaire. Ça passe. Ben, dans le rouleau de parchemin, on voit un Mickey Mouse à un moment donné. Ah. Dans les mots. Je savais pas ça. Oui, fait qu'il faut vraiment savoir regarder puis ça passe quand même assez vite parce qu'elle regarde pas le rouleau pendant ouais, deux minutes. Puis aussi, un petit peu plus loin, quand Ariel est humaine, là, elle a perdu sa voix. Mm-hmm. Ben là, c'est un spoiler là, pour tous ceux qui l'ont pas vu. C'est ça, exactement. On s'excuse aux enfants. En 89. Mais quand ils sont en mode séduction, là, ils se promènent sur un bateau. Puis là, bon, il y a toutes les en chaloupe, là. Là ouais. Ça, ouais, c'est ça. Qui chantent. Puis à un moment donné, bon, là, ils se ramassent à se battre contre la Ursula version mm-hmm. humaine aussi. Sur un autre bateau. Et là, il y a une femme qui a des cheveux noirs et vu de derrière, c'est vraiment ah, une oui. tête de Mickey Mouse. Ah, wow! Les, donc, les c'est quand même pas rien. ensuite, Aladdin, 1992 pour Aladdin. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Oui. Oui, ben quand même, c'est après La Petite Sirène et là, c'est un inside avec La Petite Sirène, justement, où quand le génie mm-hmm. regarde, qu'est-ce qu'il peut faire là, pour aider Aladdin à conquérir Jasmine puis à sauver la ville d'Agrabah. Ben, il sort Sébastien d'une page d'un livre de cuisine. Oui. En fait, il regarde dans un livre de cuisine, puis là, bon, fou, il c'est sort... C'est un quoi, un crabe? Sébastien, oui, ouais. C'est ça, exactement. Ensuite, dans Le Roi Lion, Cette fois-ci, en 1994. Là, on va être du côté plus de Terre un mythe. Les gens voyaient un message pervers à un moment donné quand Simba, là, bon, ça va pas bien, puis là, il s'effondre avec Timon et Pumba. Puis là, il y avait un nuage dans le ciel où les gens voyaient S-E-X. Ah ouais? Puis oui. Ils disaient, ah, oh, c'est écrit sexe dans un film pour enfants, puis tout ça. Ben non, c'était écrit SFX. C'est le nom de l'équipe des effets spéciaux. Mais c'est, tu sais, F sérieux? Et E, là, quand tu le vois vite. Donc, il y aurait peut-être pu, je sais pas, là... Ça va tenir, l'équipe d'effets spéciaux, ils sont déjà dans le générique, là. Ouais, c'est ça, calmez-vous à signature, Womana. Ils voulaient vraiment pas passer inaperçu, mais ça a créé beaucoup de controverses. J'avoue. Okay. Et c'est à partir de là que tous les gens, tout le monde s'est mis à voir des espèces de messages pervers dans les films de Walt Disney. Donc, ça a été malheureux, là, cette période-là. Ensuite, Toy Story, le premier, en 1995. Alors, sur une plaque, on voit A113. Mm-hmm. Et dans Les Incroyables aussi, The Incredibles, là, le nom, je pense que c'est Les Incroyables. Il me semble que oui. Et en 2004, là, beaucoup plus tard, il y avait un numéro de vol qui était aussi A113. Ah, OK. Et en fait, ça, A113, c'est le numéro de la salle où il y a l'équipe d'animation. Ah! Le département, en fait, de l'Institut californien des arts où plusieurs films de Pixar de Pixar ont été entraînés. C'est quoi un film ou un animateur, hein? Quelqu'un qui fait de l'animation, donc un animateur radio. Ou de 40 jours. Oui, c'est ça. Toujours dans Toy Story, il voulait faire honneur rendre honneur à George Lucas, qui a été un des fondateurs de Pixar. Donc, quand Buzz s'échappe de la chambre d'Andy là, pour aller à la rescousse... je suis toute mêlée un matin, là. Voyons. Ben, il fait un 1 à la Indiana Jones. Il s'évade à la Indiana Jones, puis il y a la musique et tout ça. Donc, c'est vraiment un honneur à George Lucas, ou une référence. Dans Toy Story 2, Andy, il y a un calendrier dans sa chambre qui sont des caractères de A Bug's Life qui était sorti en 1998. Ensuite, dans les films de Pixar, il y a aussi un gag avec un truck de pizza. Pizza Planet Truck qu'on voit un petit peu partout dans les films de Pixar. Donc, dans Toy Story et aussi dans Finding Nemo. On le voit à un moment donné dans une fenêtre de Trouver Nemo. Buzz Lightyear fait aussi un caméo. Ça arrive souvent dans les films. C'est une apparition spéciale. Comme tantôt, Sébastien, dans Aladdin, c'était un peu un caméo. Ben, il fait un caméo dans Finding Nemo. On voit qu'il y a une figurine de Buzz Lightyear à un moment donné, là, quand on est dans le bureau du dentiste. Et finalement, dans Trouver Nemo, comme il y a eu dans Zootopia, des fois, on va dans le futur, on nous montre. Là, vous vous rappelez-vous, il y avait des pochettes de films. De films qui s'en venaient. Il y avait un petit aperçu de Monsieur Incroyable, là, donc des Incredibles, qui sortait en 2004. C'est fun, ça. Des petites façons que nous, quand on ne sait pas que le film s'en vient, on le voit, mais ça ne nous dit rien. Mais après, quand on a vu le film, on fait « Hey! » Les amateurs voient ça après. Donc voilà pour les Inside Jokes en animation. Autre sujet, l'être humain peut-il hiberner? Je connais des gars qui sont très très bons pour hiberner. Ouais, des gars qui ont beaucoup de noix dans leur joue. De noix dans l'arbre. De gras dans leur joue. Ben, en fait, pour revenir au concept de base d'hibernation, il y a hibernation et hivernation chez les animaux. Ah, OK. Hibernation, c'est vraiment très long. C'est relié à une horloge interne. Les animaux vont vraiment manger énormément avant d'entrer en hibernation. Il y en a qui vont même doubler de poids pour vraiment être remplis de nourriture. Et leur rythme cardiaque et leur température corporelle va chuter énormément, parfois jusqu'à 5 degrés au niveau de la température et même jusqu'à 5 battements minutes des battements cardiaques. Donc, quand même, une baisse assez importante. Et il y a l'hivernation qui concerne plutôt les ours. Les ours n'hibernent pas, ils hivernent. Et l'hibernation, c'est vraiment profond. Les animaux qui rentrent en hibernation, c'est plus des petits animaux. Fait que s'il y a un prédateur qui les trouve, de tout remonter, leur rythme cardiaque, leur température, croc-croc. Tandis que les ours, eux, qui sont plus gros, comme ils sont en hibernation, qui vont se réveiller plus rapidement. Oh, OK. Mais on s'est demandé, tu sais, l'homme pourrait-il hiberner? C'est ce qui est quand même le plus profond des deux. T'sais, pourquoi pas juste hiberner? Non, on va y aller dans le plus dur des deux. Ben, il y a un médecin spécialiste du sommeil du Centre hospitalier universitaire de Toulouse, Christian Bourbon, qui a fait le test avec un humain, en fait, pas n'importe qui, un explorateur, tu sais, parce que c'est pas n'importe qui dirait oui à ça. Aurait accepté, parce que lui, ses conditions, c'était de l'envoyer pendant 6 mois, un peu plus de 6 mois, dans l'Arctique, tu sais. Okay. Ben oui. Dans l'obscurité, à des températures de moins 40 degrés Celsius. Rien de moins. Et il est mort, c'est ça? Donc, il est pas mort. Couvert d'électrodes pour voir, tu sais, justement, sa température, son rythme cardiaque, est-ce que ça change? Donc, on a vu qu'il dormait 16 à 18 heures par jour et que toutes les autres heures pendant lesquelles il était réveillé, ben 75 % de son temps, il était en mode somnolence. Ah oui, les 6 heures, c'est quoi? Il reste 6 heures après ça? À peu près, le 8 à 6 heures, 6 à 8 heures. Donc, ça a prouvé que bon, ben, son rythme cardiaque et sa température corporelle, qui étaient les deux facteurs pour entrer en mode hibernation, n'ont pas chuté de façon significative. Il y a une mouche qui m'aime fort! J'attendais la fin de ton... T'aimes fort maintenant? Pardon? Je pense que c'est le fond de plage qu'on a derrière nous qui aurait fait ça. Ouais. Donc, ça n'a pas chuté assez pour dire qu'il est entré en mode hibernation. Et tout ça a été provoqué par le froid et non par une horloge interne. Ouais, c'est ça. Donc, non, l'humain ne pourrait pas entrer en hibernation. Par contre, on peut quand même penser qu'il a gardé en mémoire dans ses télomérases, qui sont des capuchons protecteurs des chromosomes, et gardien de la mémoire des processus ancestraux de l'humain, donc quand même de l'humanité, là, c'est pas rien. Ben avant, il y a très, très, très longtemps, chez l'humain, il y aurait eu l'hibernation avant que le feu arrive et tout ça. Bon, probablement qu'ils entraient en hibernation. Mais par contre, aussi, ce que ça a permis de laisser voir, c'est que les températures basses augmentent l'hypersomnolence. Et ça n'a pas été beaucoup étudié. Donc, ça pourrait être intéressant de voir d'explorer davantage cette optique. Et d'ailleurs, une grande organisation pas très connue appelée la NASA. Une petite organisation de NASA, c'est ça. Ils s'intéressent beaucoup à ce phénomène-là parce qu'ils aimeraient ça, pouvoir plonger des humains en hibernation pour pouvoir les envoyer très loin dans l'espace, les plonger en sommeil, en fait, profond, pour pouvoir faire des années de voyage sans vieillir ou pas trop, en tout cas, bon. Tu vieillirais pas si t'étais endormi pendant des années? Ben, comme tes rythmes diminuent, peut-être que ton corps vieillit moins vite. Mais tu serais pas gelé, là. C'est le prochain film de George Lucas, justement. Bon, intéressant. Donc, voilà pour l'être humain ne peut pas hiberner. Alors, c'est ça la conclusion. Mais c'est pas dans Star Wars qui gelait quelqu'un? Oui, Han Solo. C'est Han Solo, oui. Wow, il devrait peut-être s'inspirer de ça. Peut-être. Alors, à suivre pour ça. Pourquoi on dit broyer du noir? Ben, moi qui ai découvert le Nutriboulet hier. Le Nutriboulette. J'imagine que ça a rapport avec mettre ça dans le malaxeur. Hein? Nutriboulet. Nutriboulette. Comme le Magic Bullet. Gâche pas le gag, c'est plus drôle quand je dis Nutriboulette. OK. Bon. Je suis d'accord. j'ai dit ma recette à Tania tantôt. Des fraises, des framboises, une bâtonne au bord de pin, puis du sirop pour la toux. Eh bien, voilà. C'est ma recette. Tout qu'un cocktail. C'est matin. Excellent. T'es bien soutenu, t'es en forme. Ça fait une petite pause dessus. Mais... Arc. Mais ça se brasse. Oui, ça se brasse, je l'ai brassé. Quand même. Donc, pourquoi dit-on broyer du noir? Pourquoi? C'est une expression qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Ça a l'air raciste. Ben, c'est quand on est. Ça a l'air raciste. C'est pas quand on est triste. Mais pourquoi on dit ça? On va savoir ce que ça veut dire. Broyer du noir, je suis-tu, moi. D'où ça vient? D'où ça pourrait venir, en fait, l'origine? Du café, je sais pas. Oui, du café, c'est bon, ça. Peut-être. Mais en fait, ça remonte au 16e siècle. C'était les peintres qui, alors, n'avaient pas de peinture toute faite chez Homère de Serres, tu sais. Ça n'existait pas. Fait qu'ils devaient eux-mêmes créer leur peinture. Ils prenaient des pigments qu'ils écrasaient là, avec le pilon puis le mortier et tout ça. Et ça créait une sorte de mélasse qui, en médecine, tu sais, on reprenait l'image et on disait que ça pouvait se comparer à la bile noire quand on a mal à l'estomac, donc comparé à la digestion. Et dans ces années-là, on associait beaucoup le corps, les couleurs que le corps produisait, tout ça, soit la bile, le sang, des différents fluides corporels, aux différentes humeurs qu'on avait. Mmh. Et on associait la bile noire aux humeurs négatives, comme la mélancolie ou la tristesse et tout ça. D'où l'expression « se faire de la bile ». Ah ouais! Ben moi, au juste, je pensais que la bile, c'était jaune, moi. Ben non, mais en fait, là, c'est le jaune. Oui, mais non, mais ça fait partie des expressions liées à des couleurs. Bon, c'est autre chose. OK. C'est autre chose. Donc, se faire de la bile, les couleurs liées aux émotions négatives, il y avait le jaune, le noir, le brun. Évidemment. Donc, ils ont créé plusieurs choses comme ça. Et au 19e siècle, on a pris vraiment broyer du noir pour l'associer à la tristesse, à la mélancolie. Donc, quand on dit broyer du noir... Ils sont allés chercher ça loin. Ça remonte très, de la peinture et de l'association aux couleurs. Ouais. Bon. Donc, voilà. Les interprétations des peintres. Hein. Voilà. Et, quand même. Comment certaines personnes arrivent-elles à briser une brique avec leurs mains? Hey, on se demande, je pense, depuis le début des temps, hein, comment on fait ça? Comment tu peux, genre, avec ta main, claque, trancher de la physique. Des planches de bois, des briques, du ciment, avec la tête des fois? C'est clairement de la physique. C'est une formule mathématique de physique, la vitesse versus le poids, puis tout ça. Quotient, tu mets le 1 en haut. Ouais, exactement, parenthèse, pi, 3.14. Fait qu'avant de casser la brique, ils sortent leur calculatrice, puis après ça, ils font ce qu'on va faire. Non, mais à la base, c'est de la physique. Ben oui, mais il y a une méthode de l'apprendre. Parce qu'il la casse, il la brise pour vrai. J'imagine qu'elle n'est pas pré-brisée puis remise ensemble avec une couche de colle mince. Là. Mais il faut absolument... Ben, me semble, il y a un angle direct, il faut... qui soit capable d'atteindre. Probablement, oui. Ben, Mathieu, il y a des planches qui sont refaites, qu'on peut refaire quand on pratique, en fait. Là. Ouais, mais là... T'sais, mais ouais, parce que là, ça coûte cher au Home Depot. C'est ça. C'est comme le 25 cents qui se plie en deux, des magiciens. Mais c'est pas juste ça. Ben, d'abord, comment ça s'appelle, cette discipline-là? C'est Tameshiwari, Shiwari, ou en français, la casse. Ah, c'est ça. Je pensais qu'un petit peu de sauce soya, la casse. Alors, comment on fait? Ben, ça prend une combinaison de techniques, de puissance et de concentration, mais essentiellement, oui, c'est de la physique. Donc, la force, l'impact, en fait, quand tu frappes fort ta planche, la face sur laquelle tu frappes, elle est comprimée et de l'autre côté, ça s'allonge. Mm-hmm. Et là, l'objet, la planche, la brique, peu importe, pour reprendre son centre de gravité, va se casser. OK. Donc, c'est ça qui va créer que ça se casse. Pour pouvoir la casser, ben c'est la clé, c'est la vitesse. Mm-hmm. Ça prend une bonne force de frappe. On peut pas juste cogner comme ça puis ça va se casser. Ouais, là, moins qu'il y a un point de fissure, mettons dans un verre, là, pas une planche en bois. Ouais, on s'attend. Ben ça prend une vitesse d'au moins 40 km/h. Wow. Fait que ça prend beaucoup de pratique pour en arriver à cette vitesse-là. Et donc, quand la vitesse est insuffisante, l'onde de choc est retournée à la personne, puis elle peut se casser la main ou bon, ouais, c'est ça. Peu importe. Donc, ça prend vraiment une bonne vitesse. T'as tout pas fait ça dans des planches. Ben, donc, physique, vitesse, il faut aussi regarder, si on prend la planche de bois, là, typique, mm-hmm. là, classique, la planche de bois, le sens du bois est très important, donc de frapper les parallèlement, les nœuds aussi, pas frapper mm-hmm. dans les nœuds. Donc, ça joue. Pas de bois humide non plus. Ouais, clairement. J'allais faire un gag de construction, mais je me rappelle pas c'est quoi le mot. On peut pas t'aider. C'est, tu sais, quand tu fous les studs. Les studs. Boy. Fais pas sur le stud. Non, faut pas faire ça. Ça aurait été mieux si j'avais connu le terme. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a aussi deux sortes de casses. La casse active, qui est celle où toi, tu vas casser la planche, et la casse passive, si vous avez peut-être vu des démonstrations. C'est elle qui te casse. La personne apprend la planche ou l'objet, puis elle va la casser sur la personne à des endroits oui, précis. Oui, oui, comme une chaise sur le dos d'un lutteur. Oui, bien là, c'est ça. Mais c'est en mode taekwondo. C'est pratiqué en karaté, taekwondo, pensak silat ou les arts martiaux vietnamiens. On peut utiliser, comme Mathieu, tu l'as dit, du bois. Au Japon, on utilisait du cèdre, mais ça coûte cher, du cèdre. Ouais, c'est ça. Donc, on va utiliser plutôt du sapin. Ah, OK. Ça coûte moins cher. Ouais. On peut utiliser aussi des briques, de la tuile ou des blocs de glace. De la céramique. De la céramique, ça fait chez assez vous, mal. Chez vous, là, testez ça. Les cercueils. Ça coûte clair. Puis, on peut casser la planche avec notre main ou tout autre objet, là, avec la main, mais aussi avec le pied. Et quel autre objet, c'est un peu... ça impressionnera pas grand monde, là. Mm. Hein? Et la tête aussi. Donc, d'ailleurs, on peut utiliser notre tête pour casser la planche. Le 28 mars 2017, il y a un champion de taekwondo, Kerim Amitspahik. Okay. Oui, oui, oui. How I Met Your Mother, oui. Qui est de Bosnie-Herzégovine, qui avait 16 ans, qui a peut-être encore 16 ans, parce que c'était en 2017. Donc, il voulait battre le record Guinness de 91 briques en moins de 35 secondes. Sur qui avait été brisé. Oui, j'ai validé sur plein de sites. Lui, mais c'est pas 91 briques une par-dessus l'autre. Puis, c'est des rangées de briques une après l'autre. Il a réussi à en briser 111 en 35 secondes avec sa tête. Ben ouais, avec sa tête! T'imagines-tu, elle poque dans le front le lendemain? Tu sais, à la place d'y chanter Celebrate Good Times, si tu as envie d'y chanter Commotion Good Times. C'est quelque chose, il en parle pas. Il en parle pas. Pas te dire. C'est parce que c'est trop évident. Ils ont pas cru bon écrire. Puis, tu sais, il y a des trucs Red Bull un peu partout, là. Oui. Red Bull Crash Test, ouais. Red Bull ci, pis ça. Ben, en Corée du Sud, ils ont le Red Bull Kick It. Oh boy! Ça, c'est Eric Salvaille, je pense. Red Bull Kick It. Quoi? Red Bull Kick It en 2016. Ouais. Donc, il y a un participant qui a d'abord cassé une planche qui était tenue par un bâton, là, par des démonstrateurs, à 2 mètres du sol, de hauteur, seul, juste en prenant son élan, puis en kickant. Mais lui, il est tombé où, là, après? Ben, c'est toujours des tapis. OK, OK, OK. Puis, en fait, tu sais, tant qu'à kicker la planche, ils font ça en vrille, parce que c'est ah sûr ben que oui, ça te donne de la vitesse, c'est ça. Fait qu'en plus, puis Red Bull aime ça quand ça flash, tout ça. Puis après ça, il a réussi à en casser une à 4 mètres de haut, mais aidé de coéquipiers qui lui ont fait une genre de petite courte échelle punchée dans les airs, vrillée. Fait que ça, c'était des cases intéressantes. Avant d'aller en musique, ça veut dire quoi avoir un... Je vais vous donner des choix de réponse. C'est je vais vous donner des choix de réponse. Oui, oui. Avoir un cœur d'artichaut. Est-ce que ça veut dire A, jouir d'une bonne santé? OK. B, avoir une santé fragile. Oh. C'est être volage. Volage. Ça veut dire cruiser n'importe qui. Ouais. Okay. Juste pour être sûr qu'on s'entende. Et D, être généreux avec spontanéité. Avoir un cœur d'artichaut. Cœur d'artichaut. OK. Artichaut, bon, ça goûte pas grand-chose, hein, c'est ça? Moi, je veux dire être volaille. Volage, volaille. Volaille. Être volage. Volage, volage. C'est ça. Moi, je veux dire être volaille, je trouve ça plus drôle. je dirais que t'as cœur d'artichaut. Comment est-ce que t'enlèves ça de l'artichaut, le cœur? Avec un petit remover de cœur? Je pense que c'est juste une partie de l'artichaut. Je suis pas sûre c'est quand que tu l'enlèves. Je pense que c'est comme la base. Ben, c'est solide, fait que je dirais que c'est une bonne santé. C'est ça. Ah! OK. Ben, Caroline, Tania, t'es en fou. Boum! Donc, être volage, et oui, c'est la bonne réponse, parce que l'expression évoque les multiples feuilles qui se détachent du cœur. C'était clairement ça, ma définition, tu pas je te jure. Non, je sais, mais je l'avais pensé. Mais pas de point pour ça. Alors, voilà. Ben, avant de partir en pause, parce que j'avais un petit jeu de mots à faire. Ah, on wow. ne dit pas « je vous serai gré », on dit « je vous saurai gré ». Je donc, pour corriger le truc. Je vous saurai gré, donc c'est l'autre personne. Je vais te savoir gré. Ouais, c'est ça. Saurai au futur et non pas saurai. Je vous saurai gré, c'est comme demander à quelqu'un de faire quelque chose. Tandis que si on dit je vous saurai gré, c'est comme toi-même, t'es saurai gré à quelqu'un. Ah, ça n'a pas rapport. Donc, je vous saurai gré, Monsieur Plante, de bien mettre une bonne chanson. Ah, mais avec plaisir, ma chère. Je vais te mettre une chanson qui a rapport avec les cœurs d'artichaut. Oh. Je l'ai préparée juste pour ça. On écoute dur cœur et assez, c'est assez. Ah, c'est beau. Mais assemblage requis. C'est assez. Au petit dur cœur d'artichaut. Toujours avec Véronique Mir sur le bord de la plage avec sa véronicloupédie sur les cuisses. Eh oui! Tu commences à avoir un petit bronzage inégal. Ben c'est ça, t'as un bronzage et tout sauf la portion grosse encyclopédie. Eh oui! C'est une grosse marque. Quand même. Rien de moins. Ça va bien. Donc, avant de partir en pause, on a parlé d'une petite expression « je vous serai gré » qu'il faut dire « je vous saurais gré ». Donc, savoir et non être. Continuons dans la même veine. Est-ce qu'on... Il parle pas tes feuilles, hey, c'est le vent, c'est la plage. Hein? Oui, c'est ouais. Ça, il est fort aujourd'hui. Les mouches puis le vent. Hein? Et oui, on dit des fois, tu sais, bon, quand quelque chose nous paraît injuste, ouais. Souvent, les gens vont dire, c'est une inéquité. Hey boy. Inéquité comme dans une inéquité salariale, ça? Ben, inéquité salariale, c'est rare qu'on dit ça. On va dire une équité salariale, sinon on va dire que c'est pas égal. Ouais. Que les avantages ne sont pas égaux. C'est égal. C'est rare qu'on va dire une inéquité. Comme dire un insuccès. Moi, j'ai un insuccès. OK, c'est bon. Mais tu sais, c'est correct parce que c'est parfait. Ça m'amène là. Alors, de toute façon, il ne faut pas dire inéquité. Il faut dire iniquité. Iniquité? Oui, iniquité. Eh ben. I-N-N-I? I-N-I. F-I-N-N-I. F-I-N-N-I. C'est quand même lettre, hein? C'est long à faire. Iniquité, ça demande un effort de dire ça. C'est autre chose à faire. Hey, injustice, bon. Injustice, oui. Voilà. Tu sais, déjà que c'est pas égal, puis il faut que tu te forces à dire le nom comme du monde, tête, le mot comme du monde. Après ça, hein, on dit beaucoup. Là, hier, là, j'ai fait quelque chose, là, c'était pas correct. Je suis bourré de remords. Bourré de remords, ouais, comme un divan. T'sais, ou bourré comme bourré de chocolat. Ouais. Mais t'es bourré de remords. Ben, c'est pas bon, ça, non plus. Comment ça? Puis là, attachez votre truc avec la broche, parce que la vraie affaire qu'il faut dire, elle est en tabarouette, elle avait. Bon. Il ne faut pas dire « je suis bourré de remords », mais « je suis bourrelé de remords ». Ah! Oui. Bourrelé de remords. Peut-être pour ça qu'ils ont changé ça pour « bourré ». Tu sais? Bourrelé de remords. Tu sais, on parle de ce qu'on doit dire, absolument. Là. Si les gens disent « bourré », ça va devenir correct éventuellement. Ben, en fait, c'est que si on regarde, tu sais, d'où que ça vient, puis ça, c'est pas si faux dire « bourré de remords ». Mais la vraie chose, c'est vraiment « bourrelé de remords ». Puis, en fait, c'est parce que quand on dit « être bourré », hein, « bourré », ça veut dire « être rempli complètement ». Fait qu'on pourrait être rempli complètement de remords. Ben oui, ça pourrait. Mais physiquement, on pourrait pas parce que c'est pas quelque chose de physique. Ben, c'est ça l'affaire. Tu peux pas manger du remords pour dîner. Ben, du remords, oui, mais c'est dégueulasse. Tu sais, si on prend ça tel quel, là... C'est impossible. Tu peux pas être bourré de remords. Mettons Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, il dirait non. C'est impossible. C'est physiquement impossible. Ça peut pas arriver. Bourrelé, en fait, ça veut dire tourmenté, torturé moralement. Donc, ça fit, là. C'est, ouais, c'est beau, ça. Ça fonctionne. Donc, c'est mieux dit. Est-ce que tu pourrais l'éviter en disant que j'ai beaucoup de remords? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis rempli de remords. Ah non, rempli, c'est encore physique, ça, je pense. Ouais. Bourré, rempli, parce ouais. Parce que tu peux pas te remplir de remords. Tu peux pas. Physiquement. J'ai des remords. Ouais, c'est comme dire, je suis face à l'incompréhension. Ouais. Ben, l'incompréhension, elle n'existe pas dans la vie. Fait que tu peux pas être face à l'incompréhension. Ah, c'est littéral, pas mal. La langue française, presque. Face à, c'est jamais bon. Sauf si c'est face à une porte, face à un écouteur, face à quelque chose. Mais peut-être de que ta porte est une incompréhension, peux-tu le dire? Peut-être. Sur Facebook, l'insolente linguiste dirait, hey, woman up. On va le dire pareil. C'est pas c'est rien. Ça. Hein? Bourrelé de remords. Bourrelé de remords. Donc, torturé, tout comme le ferait un bourreau, en fait. Parce que bourrelé, ça vient de bourreau. Ah, ah je pensais que ça venait de bourrelèque. Eh non! Donc, maltraité. Et l'expression a été dérivée, là, où avec le temps, on l'a adaptée. À la base, c'était vraiment... torturé sur les plans tant physiques que moral. Et avec le temps, c'est devenu physique. C'est devenu moral uniquement. Ouais. On peut dire « tiroir est bourré de papier » ou on peut dire « je me suis bourré de chocolat ». L'imprimante est bourrée, hein? L'imprimante est bourrée de papier. On peut bourrer quelqu'un de coups, donc frapper à coups redoublés. On peut bourrer le crâne de quelqu'un en lui racontant des histoires. Ah oui. Tu peux aller chez Taco Bell demander à bourrer, toi. Un bourletto, là, ils te donneront pas ta bonne affaire. Ou on va dire, des fois, je suis bourré. J'ai bourré quelqu'un, ben bourré quelqu'un, ça veut dire le tromper, le duper aussi. On peut se bourrer le crâne quand on étudie pour un examen. Mm-hmm. En France, par exemple, quelqu'un qui va dire « je suis bourré », ça veut dire qu'il est sous. Ouais. C'est ça. Et des fois, on va dire « une bonne bourre ». Donc, wow. C'est une bonne beuverie ou une bonne soirée. Pour terminer, ça, là, j'ai eu du fun à trouver ça. Les québécismes, oh, cool. C'est super intéressant. Donc, on a plein d'expressions au Québec qui reviennent d'anciens mots, de nos réalités propres à notre culture, comme on a dû inventer, ou on a inventé la poudrerie. Ouais. Ça n'existait pas, ce mot-là, parce qu'on avait ça ici, la souffleuse, pour souffler la neige, un traversier. C'est tous des mots qui viennent du Québec. Ah, pour vrai? Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est les expressions. Il y a beaucoup d'expressions qui ont une tradition agricole, parce qu'on est beaucoup avant, là, et encore aujourd'hui, mais avant, beaucoup plus dans l'agriculture, comme sauter la clôture, faire le train, pleuvoir à boire debout. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Une amancheuse de broche à foin. Ça, c'est très québécois. Avoir des bidous! Bidou-bidou! Des bidous. C'est pas dans Scooby-Doo? C'est quoi, avoir des bidous? Tu peux avoir du cash? Ouais. Ben oui! Avoir du cash. Donc, les fameux bidous viennent d'une ancienne monnaie utilisée en France, le bidet. Hey, pour vrai? Le bidet qui aujourd'hui est... un lave-fesse. Un lave-fesse. Donc, la vocation commerciale des bidets s'est perdue pour une vocation beaucoup plus utilitaire. Mais oui, en effet. Donc, avoir des bidous. L'Halloween s'en vient. Oui. Une que j'aime bien, le bonhomme 7 heures. Ouais. Ouais, c'est une vieille histoire, ça. C'est québécois. C'est l'expression, en fait. Qu'est-ce qui arrive à 7 heures? Pourquoi on dit un bonhomme 7 heures? Est-ce que c'est le coucher de soleil? À certains moments, peut-être? Ça pourrait être ça. Je pourrais pas dire. Non? Ben, c'est vraiment intéressant, cette expression-là. D'où ça vient? C'est une drôle de tournure. Inspirée de l'anglais, on disait... On va faire venir à la maison le bone setter ou le ramancheur. Oh, wow! Oui, et là, c'est très intéressant. Donc, quand le ramancheur arrivait, le médecin itinérant qui venait te replacer les os, les enfants entendaient les patients qui criaient parce que ça faisait mal et ça leur faisait peur. C'est alors, ça. Les parents, pour obtenir leur obéissance, disaient « on va faire venir le bone setter ». Malade. Bone setter qui est devenu à la longue en français parce qu'on n'entendait pas bien, on comprenait pas. Ouais. C'est devenu le bonhomme setter. Wow. Parce qu'en anglais, des fois, on dit boogeyman. Mais je savais pas que le bone setter, c'est. Parce que j'imagine qu'il y a eu une raison pour laquelle ils ont changé de nom pour. Boogeyman. Ça, c'est bizarre, c'est ça. Parce que quand tu venais danser. Tu sais, mais c'est boogie. Mais tu sais, c'est pas écrit comme boogie, comme la danse, mettons. C'était boogie. Puis c'est B-O-G-G-E-Y, je pense, boogeyman. B-O-O-G-E-Y. Donc, B-O-O-G-E-Y. Attends, on va aller voir. Allons-y donc. Le boogeyman est le titre original de la nouvelle de Stephen King. C'est pas moi ce que je veux. C'est un croque-mitaine en français. Personnage maléfique présenté aux enfants pour leur faire peur et ainsi les rendre plus sages. Mais on n'a pas l'origine du mot. On va aller chercher. Exprès. Un croque-mitaine. Origin. Ouais, un croque-mitaine comme le... Comment t'appelles ça, là? Avec deux œufs et du bacon. le mot boogie viendrait de l'anglais hobgoblin. On dit que ça vient ensuite de l'allemand pour être lié à plusieurs mots similaires dans des langages européens. Ça, c'est l'étymologie. Après ça, est-ce qu'on a la raison d'être? Oui, hey, le texte est tellement long. C'est un surnom pour le diable. OK. Ah. Ouais, les aventures du boogeyman varient par région, souvent l'entité masculine, peut-être de n'importe quel genre, sinon même androgène. Le boogeyman punit les enfants qui sucent leurs pouces, entre autres. Ah oui? Ouais. Donc, c'est ça. J'imagine que ça... Fait que c'est un surnom au diable. Ouais. Ou Hobgoblin. Hobgoblin, ça ressemble un peu quand comme même. Un diable. Buggy. Un petit Hobgoblin. Gobelin, un petit personnage méchant. Eh ben! Ouais. Eh ben! Donc, bon setter, bonhomme setter. Je trouvais ça quand même intéressant. C'est très bon. Dans je vais notre histoire du Québec. Mmh. Et un dernier québécisme qui fit, puisque c'est mon mot du jour, fit. Hein? C'est un super beau mot à utiliser n'importe C'est québécois, quoi, hein? Quand même. Parce que je termine là-dessus. Alors, se fermer la boîte. Oui. OK, j'imagine une boîte de Pandore, peut-être. Moi, je vais dire une boîte où est-ce qu'ils mettaient le bois. Oui, c'est bon. Boîte à surprise. Sinon. Au Québec. Oui. Boîte au Québec. Tu sais, parce que c'est des Québécistes, ah, mais raison, dans notre histoire, notre tradition. Je vais mettre mon argent sur la boîte à bois de Tania. Ben, en fait, ça fait bizarre c'est... du même. Hein. C'est correct. C'est relié aux lignes téléphoniques qui, dans le temps, étaient partagées. Oui. Mm-hmm. Donc, quand quelqu'un écoutait sur la ligne, on disait de fermer sa boîte. Ça voulait dire de raccrocher son récepteur pour pas qu'il entende les conversations des autres. Fallait attendre que quelqu'un à côté là, raccroche pour pouvoir appeler quelqu'un parce que toutes les lignes étaient reliées après l'autre. Dans ce temps-là, ben, les commères qui écoutaient beaucoup sur les lignes des autres. Donc, tout le temps qu'il y a quelqu'un qui allait sur Internet fait aussi. Fait qu'il disait ferme ta boîte. Ouais. Disait ferme ta boîte. Ça aurait pu être la boîte à pain. C'était bien populaire au Québec, les boîtes à pain. La boîte à pain. C'est vrai. La boîte à bois, c'était bon, là. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Ferme ta boîte. Je pensais pas que c'est relié au téléphone. Pour pas que ton bois devienne humide, plein de neige, puis toute la patate. Ouais. C'est ça, des écharpes. Ça aurait pu être ça. Mmh. Mais non. Mais là, ça fait de sens. Ben, on pourrait aller le rentrer dans Wikipédia. Ça va peut-être rester en ligne quelque part. Ouais, c'est le monde va tout penser que. Ça reste pas longtemps, d'habitude. En anglais, moins souvent. Pas longtemps, oui. Pas longtemps, combien de temps? Je sais pas, c'est assez rapide en anglais. En français, les pages sont tellement moins renseignées, comme celle du Bogeyman, tantôt, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de référence, il n'y avait rien. Non. Okay. Tristesse. Bref. Donc voilà, alors la source là-dessus, je me ferme la boîte. Mais voyons donc. Mais je vais la rouvrir dans deux semaines. Hey, t'sais, dépression, puis ça, wouh, c'est un petit aïe. C'est comme la boîte à surprise, tu vois. Oui, c'est comme un manège. Wow. Merci beaucoup, Véronique Mire. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous, hein. Ah. Toutes vos questions, vos interventions. C'est toujours plaisant. C'est super. Dans deux semaines, super. Hey, t'avais l'air de genre Bart Simpson. T'as pensé faire la nouvelle voix de Bart Simpson? Ouais, tu te fais ça? Ouais. Non. Super. Cowabunga. Alors, je m'enregistre. À dans deux semaines. Mais oui! Puis on prend une pause pour l'instant, nous, et on revient plus tard. Il nous reste encore tellement de belles choses. C'est confirmé que Stéphanie Paradis va venir nous parler de télé tantôt. Uh-huh. Ta chronique s'en vient aussi. Tania is gonna entertain. Tout ça et plus. Au retour. Tout à fait. Oh. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. En ce jeudi 26 octobre 2017, Tania Bonnard. Et Mathieu Plan. Oh oui, dans une quinzaine de minutes environ, ça va être la chronique de Tania. Tania is gonna do Tania. Petit tour de l'actualité de cette semaine. Exactement. Selon, évidemment, son filtre à elle. Oui. Mm-hmm. Mais avant ça, on s'en va entendre une nouvelle entrée de cette semaine du palmarès anglophone. On l'a bien aimé, c'est très, très groovy, funky. Voici The Soul Jazz Orchestra et Doggy Dog. Assemblage rookie. C'est fou. 89. The same system that's exploiting us, that is taking advantage of everybody. Now that's the whole story. You have those working with the system getting fucked by the system. You see, it's dumb, it's dumb, it's dumb, dumb, dumb. We all remain in the same system sold to us for generations. Since the Western society became the imperial power. We'll be right back.

ce qui continue avec la suite de tout à l'heure, c'est-à-dire la nourriture qui peut... qui tantôt on a parlé de nourriture qui peut durer très longtemps sur la tablette ou dans le frigo. Là, on y va avec ceux qui ont une durée de vie différente un peu. En fait, des choses qu'on retrouve à l'épicerie. On se demande des fois pourquoi il y a des nourritures qui vont pourrir très rapidement. C'est un peu le contraire de tantôt. Oui. Si on veut. Donc, on commence par le jus d'orange. Si votre jus d'orange est fait d'orange bien fraîche, là, bien fraîchement cueilli, là, ben c'est cool parce que vous l'avez fait à la main probablement. Parce que ceux que vous achetez en épicerie sont probablement pas en fait faits à partir de vrais oranges. Selon l'enquête d'un certain monsieur Hamilton, les jus d'orange qui ne viennent pas de concentrés sont en fait mis dans des tanks, des gros récipients de plusieurs millions de gallons. Okay. Pendant plus de, jusqu'à un an, en fait, jusqu'à un an avant d'être embouteillé. Donc, quand on dit que c'est pas fait de concentré, donc fait avec des vraies oranges, ok, fine, cool. Mais ça a été mis dans une grosse, dans un gros réceptacle pendant un an. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas frais, c'est juste pas concentré. Ouais, c'est ça. Et ensuite, c'est envoyé aux épiceries. le jus d'orange, pour commencer, pasteurisé. On lui enlève son oxygène et ensuite on le met dans ces gros containers, ces gros tanks de jus-là. Et ensuite, quand c'est prêt pour l'emballage, on va ajouter des paquets de saveurs pour augmenter le goût de saveur. Parce que ben, si vous avez déjà fait du jus d'orange avec une machine, un extracteur à jus, vous savez que ça goûte pas exactement la même chose qu'en magasin. Il rajoute un petit quelque chose, un petit boost d'orange, des fois du sucre pour goûter, pour que ça goûte un petit peu plus. Donc voilà, les flavor packs, c'est pas nécessairement marqué sur la bouteille. Mm-hmm. Ensuite, les pommes. C'était peut-être déjà cueilli une pomme dans un arbre, c'est demandé comment ça fait que ça goûtait vraiment différent. Pas toi, Tania, parce que t'es allergique, là, mais ouais. Toi, l'auditeur commun. Donc, pourquoi ça goûte différent versus l'épicerie? Ben, c'est peut-être son âge, en fait. Parce que les pommes peuvent avoir jusqu'à un an lorsque vous les achetez. Mais c'est toujours bon à manger quand même. La demande pour des pommes à travers l'année, ça fait que la très courte saison de la moisson des pommes, qui est de la fin de l'été au début de l'automne, ben faut que ce soit quand même assez, faut qu'il y ait assez de pommes pour l'année au complet, donc on va en mettre de côté pour les faire durer. En fait, on met les fruits dans des coolers à faible teneur en oxygène et à haute teneur en dioxyde de carbone. Des fois, on va ajouter des fongicides pour empêcher que ça moisisse, ou du 1-méthylcyclopropène, qui est un gaz qui empêche les pommes d'émettre du gaz d'éthylène, qui fait ce gaz-là que ça va vieillir la pomme. D'autres producteurs utilisent bien sûr de la cire pour aider le fruit à garder son humidité à l'intérieur et avoir l'air plus joli. C'est pas... on dit en fait que c'est pas à l'encontre de la nature, tellement vu que les pommes produisent de toute façon leur propre couche cirée un petit peu à l'extérieur qu'on perd pendant le processus de la moisson et du lavage. Donc c'est de remettre cette couche protectrice-là, si on veut. C'est ce qu'on fait avec ces pommes-là et c'est ce qui fait que t'es probablement allergique. Hein? Ouais. Probablement. C'est les pesticides. Ouais. Ensuite, on continue avec les œufs. On débat beaucoup sur le genre de type 2 qu'on devrait acheter, que ce soit bon en liberté, biologique ou encore les moins chers, dépendant des gens. La plupart des œufs ont l'âge en commun. Ils peuvent avoir jusqu'à 45 jours avant de ne plus pouvoir être vendus. La plupart des cartons d'œufs viennent avec une date d'expiration ou meilleur avant. Techniquement, on dit qu'aux États-Unis, en fait, ils n'ont pas à étiqueter leurs cartons si les œufs sont cotés par la United States Department of Agriculture. C'est pas la même chose au Canada, certainement pas. Quand on étiquette les œufs, parce qu'ils sont tous étiquetés ici, il y a des règles. Les dates d'expiration peuvent pas être à plus de 30 jours de quand les œufs ont été emballés. Et les magasins, les épiceries ne peuvent pas les vendre au-delà de la date qui est écrite sur le carton. Si on a une étampe meilleure avant et non pas une date de... sur une date meilleure avant, oui. La date sur l'emballage ne peut pas être à plus de 45 jours de quand est-ce qu'on les a mis dans leur carton. Donc, c'est la différence entre la date d'expiration et la date meilleure avant dont on parle dans ce cas-ci. Les œufs américains, nous dit-on, sont lavés et chimiquement... comment est-ce que je pourrais dire? Se désinfecter, oui, avant d'être réfrigéré et envoyé en magasin. En Europe, les œufs ne sont pas lavés. Les non, producteurs, c'est vrai. À la place, utilisent la couche protectrice d'un œuf, la couche naturelle de l'œuf, pour le garder en sécurité avant de se rendre en magasin. Je ne sais pas, honnêtement, pour le Canada. Je ne pourrais te dire non plus. On parle de bœuf ensuite. Le bœuf d'épicerie est souvent un petit peu plus vieux lorsqu'il t'arrive chez toi ou en épicerie du moins. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Plusieurs coupes de bœuf sont vieillies avant d'être envoyées à l'emballeur. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir jusqu'à 6 semaines lorsqu'ils se rendent à l'épicerie. Encore une fois, on utilise des microbes et des enzymes pour défaire un petit peu la viande avec le but de la rendre... comment est-ce que tu plus dirais tendre. Ça? Plus tendre, ouais, à peu près. Donc, comment c'est fait? Ben, ça dépend du producteur de bœuf. Il y en a qui vont simplement les faire suspendre dans des congélateurs. D'autres vont les emballer dans des sacs de plastique avant de les suspendre. Donc, ça a un effet différent sur le vieillissement de la viande. Donc, comment est-ce qu'on identifie du bon bœuf dans le département des viandes? Il faut chercher de la viande qui est rouge et non pas brune. La viande qui est enveloppée hermétiquement, là, qu'on enlève l'air avec un système d'aspiration, ça va souvent avoir l'air mauve. Et le bœuf qui a été exposé à de l'oxygène, lui, va être complètement rouge brillant, rouge vif. Ça va virer au brun environ 5 jours plus tard, étant donné les changements chimiques naturels de la viande. Et on pourrait trouver que l'odeur est un petit peu bizarre après ça. Mm-hmm. Ensuite, on continue avec les patates. Les patates. Bon, bien sûr, après la moisson des patates, après les avoir cueillies, les patates sont mises dans des entrepôts très gros, avec température contrôlée et humidité contrôlée, bien évidemment. Des entrepôts avec des systèmes d'aération qui vont empêcher les patates. Les piles de patates peuvent mesurer jusqu'à 20 pieds de haut pour les empêcher donc de pourrir. Ils peuvent rester comme ça jusqu'à 11 mois avant de partir pour être nettoyés et mis en emballage, emballés. Si tu te demandes d'où viennent les petites bosses sur tes patates, c'est lors du processus de la moisson, de la cueillette. Donc les patates sont retirées dans les champs et la machinerie peut les taper dessus une fois de temps en temps. Mais les patates qui sont bien entreposés, voilà, peuvent se remettre de ces bleus-là, de ces blessures-là, en dedans de 2 semaines. Ah, c'est bon. Ensuite, la laitue. Oui. Les laitues, ça peut être frais, mais ça peut être aussi de quelques semaines de vieillesse, dépendant d'où vous vivez et de quel genre de laitue vous achetez. Presque 90% de la laitue qu'on vend l'hiver vient de Yuma, en Arizona. En tout cas, l'article, bien sûr, vient des États-Unis. Il fait assez chaud là-bas pour que les laitues puissent continuer de pousser. Les temps de livraison varient basés sur la destination, voulant dire que ta laitue pourra avoir que quelques jours, ou sinon plus, si réfrigérée avant et pendant le transport. La laitue en sac... peut avoir jusqu'à 2 semaines à partir du moment où c'est cueilli, nettoyé et emballé, et ensuite envoyé au magasin, donc 2 semaines. Ensuite, le pain. Il n'y a pas de réponse évidente à savoir combien de temps peut passer le pain sur une tablette avant de le jeter, étant donné que chaque épicerie a ses propres standards pour la perte alimentaire. Mais il y a des façons de savoir quand votre pain a été cuit. En fait, bon, évidemment, on connaît la date qui est sur le petit morceau de plastique. Là. Mm-hmm. Et c'est souvent, est-ce que tu savais que c'était classé par couleur? Non, je savais pas. Donc, si les sacs ont tous une étiquette mauve, t'as pas besoin de checker la date de chaque, ça va être tout le temps la même date. Ah, en fond, okay. Mauve est la date d'un jour de la semaine. C'est coordonné selon les couleurs. Bon, ici dans l'article, je sais pas si c'est la même chose au Québec, là, mais on dit bleu pour le lundi, vert pour le mardi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les distributeurs de voir bon, tous les verts, mettons, et enlever les bleus. Beaucoup plus simple comme ça. C'est pas chaque pâtisserie ou boulangerie, qui suit le même code de couleur, nous dit-on. Et par rapport à la durée de vie de votre pain à la maison, ça dépend de où vous le mettez. Sur le comptoir, le pain pourrait durer entre 5 et 7 jours. Donc, comptoir, 5 à 7 jours. Réfrigéré, ça dure plus longtemps. Mm-hmm. Il y en a qui pensent le contraire. Ouais, mais... Mais c'est plus longtemps au réfrigérateur. Si tu trouves une belle vente de pain, bien sûr, avec des pains pas chers ou de bon goût, tu peux facilement les congeler. Oui, c'est vrai. Moi, en fait, pendant des années, j'achetais un chaque pain à chaque... j'achetais un pain à chaque 2 semaines, oui. Puis j'en perdais la moitié, tu sais, je suis tout seul. Ouais. Donc, je perdais mon pain. Maintenant, ben, je le fais congeler, puis je perds plus de pain. Fait que tu sais, ça change de vie. Ouais. Hein? Voilà. C'est vrai. Bref, ça va garder sa saveur jusqu'à 3 mois dans le congélateur. 3 mois. Oui, quand même. On continue avec le lait. On parle dans cette liste de la durée de vie de différentes nourritures. Donc, le lait, lorsque ça quitte... pardonnez-moi. Donc, le lait, voilà, est pasteurisé, mis en bouteille, arrive dans les épiceries en dedans de 48 heures. OK. C'est quand même assez rapide pour une... un breuvage qui expire aussi rapidement, mais ça veut pas dire que les gens sont pas super au courant de la date du meilleur avant lorsqu'ils choisissent leur bouteille, leur contenant de lait. Donc, si le lait est relativement frais lorsqu'il arrive, pendant combien de temps peut-il rester en épicerie? Ben, ça dépend des règles d'un petit peu partout dans le monde. Ça varie entre 12 et 21 jours. Évidemment, les règles du Québec en particulier m'échappent dans ce cas-ci. C'est le désavantage d'avoir un article américain, mais quand même. ça dépend aussi de la sorte. Hein, le lait sans lactose, le mien dure jusqu'au mois de décembre, je pense, en ce moment. Ouais. Quelque chose de ridicule. Moi aussi. Bref, le meilleur avant, bien sûr, pour déterminer la fraîcheur. Et ça dépend aussi de la température de votre réfrigérateur. Hein. Ça dépend du niveau de pasteurisation, ça dépend de plusieurs autres facteurs. Ça affecte la durée de vie du lait. La seule façon de savoir si le lait est passé date, c'est bien sûr de le sentir. Mm-hmm. Ensuite, des canneberges, ou comme les Français disent, des cromberiens. Ouais, du coup, des cromberiens. Donc, les canneberges se sont fait un nom pendant l'automne et l'hiver. C'est là qu'on en mange le plus. Les fêtes, bien sûr, avec les atokas puis les ladins, etc. Mais pas seulement aux fêtes qu'on mange des canneberges. En fait, on les cueille pendant leur saison la plus populaire et ensuite ça se rend aux épiceries un peu de temps après. Lorsqu'elles sont en parfait état, les canneberges vont être noyées, vont être complètement remplies d'eau. Et ensuite, on va les... c'est ça, ouais? Ouais, c'est, on prend le plan au complet du canneberge, mm-hmm. on met ça dans l'eau et ensuite, on fait tourner ça avec des beaters, ce qu'on appelle en anglais. Et ensuite, les baies vont flotter jusqu'au dessus de l'eau et vont être ramassées. Si je comprends bien. Les canneberges achetées entre septembre, octobre et novembre sont souvent très fraîches, vont durer dans le congélateur jusqu'à un an. Oh, c'est bon ça. Et ensuite, les viandes froides. Hein, si tu passes à l'épicerie pour t'acheter un petit peu de viande froide, ce serait bon de savoir que c'était fait la plupart du temps le jour même. Les viandes de deli. La plupart des épiceries vont jeter leurs restants. Et la nourriture préparée qui a été cuisinée pendant cette journée-là va être jetée dans plusieurs cas. S'ils ne sont pas emballés pour la vente le lendemain, bien sûr, bien les épiceries vont les mettre dans des petits styromousses pour pouvoir les vendre des contenants de plastique pour le lendemain. Sinon, des fois, ça peut être vendu aux employés à la fin de la journée. L'industrie des épiceries peut perdre plusieurs millions de dollars en jetant sa nourriture, 900 millions de dollars en 2001 selon un estimé, mais ils vont demander cet argent-là en retour à leur clientèle. C'est pour ça que la viande qui est coupée directement devant vos yeux coûte plus cher que l'emballage dans les allées. Mais en termes de fraîcheur, le comptoir des viandes est une meilleure idée que la viande en emballage. Voilà. C'est tout pour cet article sur mentalfloss.com de la durée de vie des nourritures. Bien intéressant quand même. Malgré les imprécisions sur le marché québécois. Non, tout à fait. On prend une pause au retour. À ton tour, Tania. Oui, on va parler un petit peu de... Je vais continuer sur ta lancée, Mathieu. Oui. Je vous offre deux recettes ce matin. Extraordinaire! Oui. On va rester là. Aujourd'hui. Accompagné de Tania Baudin et de Mathieu Plante. Oui, dans une demi-heure peut-être, on va se faire une grosse pointe en dresse, mm-hmm. et Stéphanie Paradis. On va voir l'ordre plus tard. Oui. Ça reste déterminé, mais en troisième heure, ce sera ces deux chroniques-là qu'on va faire. Mais pour l'instant, c'est le moment d'entendre Tania nous parler des actualités de la semaine. Mais avant, oui. On parle de recettes. Exactement. Dans Tania, is gonna entertain ya. Oh, oui. Petite bonne reprise, parfait. Oui, oui. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do it. Donc, avant de faire le tour de l'actualité comme on le fait tous les jeudis, t'as envie de nous partager quelques petites recettes. Mm-hmm, mm-hmm. Exactement. En fait, c'est deux recettes que j'ai trouvées sur un site internet que j'aime beaucoup ces temps-ci. C'est fraîchementpressé.ca. Donc, si jamais vous allez sur le site internet, vous allez voir, c'est seulement des recettes qui vous sont données. On parle beaucoup d'alimentation, de bouffe, tout ça. Et je suis arrivée sur deux recettes qui sont très intéressantes pour l'automne parce que vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, j'ai parlé des change en termes de devoir aller cueillir des pommes, pour ceux que ça leur tente pas, pour ceux qui trouvent ça que c'est catène, ou pour ceux qui peuvent tout simplement pas manger de pommes. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, aller cueillir des pommes et pas y manger? Ben, là, à part y donner à tout le monde. C'est pas comme aller pêcher puis remettre à la mer. Hein? Ben, c'est ça, exactement. Dans l'arbre. Donc, je vous ai donné comme idée de peut-être aller cueillir des citrouilles. Oui. aller faire une chasse à la bonne citrouille. Et j'ai deux recettes ce matin auxquelles vous pourrez peut-être y ajouter ces fameuses citrouilles que vous avez été cueillies. C'est tellement bonne pour nous. Vous, ça, c'est malade. Donc, le premier, bien, c'est merveilleux pour le remplacer en termes de pommes, comme on le disait, parce qu'on connaît très bien les chaussons aux pommes. Oui. Mais on connaît pas mal moins les chaussons à la citrouille épicée. J'ai envie des connaître. Honnêtement, la photo donne tellement faim. Pour un temps de préparation, ça va vous prendre environ 30 minutes et ça va vous donner 8 portions. Donc quand même, ça va vous donner une... soit vous pouvez les partager avec famille, amis, ou vous les conservez pour le restant de la semaine. C'est gardez à votre guise. Exactement. Parce qu'on ne se tanne jamais vraiment des saveurs de l'automne. Non. Surtout à celle-ci de l'année. Tu sais, le pumpkin spice c'est latte. C'est l'effet de rareté, tu sais. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, un dessert qui va être quand même gourmand, mais simple à faire. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'une petite citrouille, environ 1 kg. Un paquet de pâte feuilletée. Vous pouvez la faire si jamais vous êtes un roi dans, ou une reine dans l'art de la pâte feuilletée. Par la suite, vous allez avoir besoin d'une demi-cuillère à thé de cannelle en poudre, un quart de cuillère à thé de gingembre en poudre, un huitième de cuillère à thé de clou de girofle en poudre, un quart de tasse de sucre granulé et un œuf battu, sachez-le, et deux cuillères à soupe de sucre granulé. Ces œufs battus. Ouais, je sais, hein, c'est fou, c'est fou. Bonne chance. Donc, pour la préparation, en fait, vous allez couper la petite citrouille en deux. Vous allez la cuire au micro-ondes dans une assiette. Donc, vous allez mettre la pelure vers le haut. OK. OK, l'écorce oui. de votre citrouille vers le haut. Et vous allez faire cuire ça de 10 à 15 minutes chaque morceau. Par la suite, vous allez retirer la chair de la citrouille sans trop gratter la pelure. On veut pas que ça abîme la pelure. Ouais. Ça va faire un petit peu comme quand vous faites de la courge spaghetti, par exemple. Vous allez préchauffer le four à 350 Fahrenheit par la suite et dans une poêle à feu moyen. Vous allez chauffer la chair de citrouille et vous allez y ajouter les épices. Donc, vous allez faire chauffer tout ça environ 5 minutes pour surtout enlever l'excédent d'eau qu'il y a à l'intérieur d'une citrouille. Par la suite, vous allez ajouter un quart de tasse de sucre et vous allez les laisser reposer de 5 à 10 minutes pour faire refroidir le mélange. On veut que ça devienne une espèce de pâte. De pâte, mais style confiture, mettons. Oui. Je voudrais pas gelée. Ouais, c'est ça, une espèce de gelée, mettons. Vous allez étaler la pâte pour avoir 6 pouces de largeur par 12 pouces de longueur. Vous allez couper les côtés. Ou le contraire, ça fait la même affaire. Oui, aussi, on s'en... vous allez couper les côtés au besoin pour former un rectangle qui va être droit. OK? Oui. Ça nous prend quelque chose de quand même bien, bien droit. Vous allez découper 8 carrés de 3 pouces de large. Et par la suite, avec votre fameux œuf battu, vous allez badigeonner. Vous allez badigeonner environ 1 cm des deux côtés de chaque carré avec l'œuf battu. Vous allez déposer environ une cuillère à soupe de garniture au centre de chaque carré. Vous allez refermer le chausson d'un coin à l'autre. Vous allez former un triangle. Tu sais, les fameux chaussons Pittsburgh dans le temps, oui. Là, ça va ressembler à ça, en fait. Vous allez bien appuyer sur les côtés parce qu'il va falloir que ça colle et que ça ferme les chaussons, surtout avec, par exemple, une pointe d'une fourchette. Vous allez pouvoir utiliser ça pour que ça se ferme bien, mais appuyez pas trop fort parce qu'on veut pas que ça fende. Ah oui. OK, sachez-le. Vous allez badigeonner encore une fois les chaussons avec l'œuf et vous allez saupoudrer un petit peu de sucre granulé, mais ça, c'est à votre goût. Tu sais. Ça dépend ce que vous voulez. Et vous allez mettre au four de 25 à 30 minutes. Par la suite, attention, vous pourriez y ajouter des pépites de chocolat noir avec l'appareil de citrouille dans votre chausson, si jamais ça vous tente. Sinon, vous pouvez peut-être juste râper un petit peu de chocolat noir sur le dessus. Comme Marc Labrèche. C'est ça exactement avec son fromage. C'est à votre guise. La deuxième recette que j'ai à vous offrir ce matin, c'est pas quelque chose à laquelle on est vraiment habitué. Ça m'a comme déstabilisée en voyant ça parce que je me disais, c'est-tu bon? Va falloir que je fasse le test, honnêtement. Je n'ai pas encore fait le test, mais c'est clairement sur ma liste. Mathieu, tout à l'heure, tu parlais de smoothie parce que tu t'es acheté un Nutri-Boulette. Ah, je suis content. Hein? Un Nutri-Boulette. Oui, ça commence à poigner. Tu te fais des smoothies? Oui. Ben, je t'offre le smoothie tarte à la citrouille. Je t'écoute. Oh là là. Comme je le disais tout à l'heure, bien, on est comme tous un petit peu amateurs de pumpkin spice latte ces temps-ci. Mais si on essaie d'en faire une version plus santé, ça peut arriver à un smoothie. Alors, c'est un petit peu l'idée que j'ai derrière tout ça ce matin pour vous. Ce que ça prend, une banane, une demi-tasse de lait, une demi-tasse de yogourt à la vanille, deux tiers de tasse de purée de citrouille, ah, soit maison ou en conserve. Ça dépend, conserve, si, vous êtes, ouais, ça dépend si vous êtes l'homme nope, à la pâte, si jamais ça vous intéresse. Une cuillère à soupe de sirop d'érable. Ah. Une demi-cuillère à thé de vanille. Un quart de cuillère à thé de cannelle, un autre quart de cuillère à thé de muscade, un huitième de cuillère à thé de piment de la Jamaïque. Ah ouais? Oui. Une demi-tasse de glace et de la crème fouettée. C'est facultatif, c'est pour garnir, c'est à votre goût. Comment on prépare tout ça? C'est pas très, très compliqué. Slack ça dans le blender. Tu slack ça dans le blender, sauf la crème fouettée. Oui. Vous allez mettre ça dans le mélangeur. Vous allez réduire le tout en purée. On veut que ça soit lisse. Oui. Et si c'est désiré, bien, vous pouvez garnir avec un petit peu de crème fouettée. Par la suite, vous allez déguster tout de suite. Et c'est possible aussi de remplacer les produits laitiers par des options végétales. Ben oui. Sachez-le si jamais ça vous intéresse. Lait ou le lait de coco, le lait d'amande, peu importe. Ou lait sans lactose, si vous êtes intolérant au lactose, ouais, exactement. Et vous allez pouvoir déguster comme ça, bing bang, une version beaucoup plus santé du Pumpkin Spice Latte. Wow, mais quelle excellente suggestion que tu vas nous mettre sur assemblagerequis.com. Clairement. Pour que j'aille me chercher ça plus tard, s'il te plaît, dans tout les notes fait de l'émission 1146. C'est sûr que c'est très, très bon. Moi, j'en doute même pas. Ben non. C'est juste le temps qui m'a manqué un petit peu de pouvoir essayer tout ça parce que c'est sûr et certain que je vais l'essayer d'ici la fin, probablement même la fin du mois de novembre. Ah oui, hein? Du mois d'octobre, ouais. Je vais essayer de mettre la main à la pâte. C'est le piment de la Jamaïque qui me manque, tu sais. C'est un petit kick, ouais, de plus. Hein? Puis la muscade, en fait, c'est tout ce qui me manque. Mais c'est sûrement pas genre absolument 100% essentiel. Probablement bon pas. Non, c'est ça exactement. C'est sûr que ça doit être très, très bon. Puis si jamais ça vous intéresse aussi, vous pouvez peut-être vous mettre juste un petit kick de café, ah oui, à l'intérieur. Bonne idée. Ben oui. Bon. C'est sûr que c'est excellent. Ah, tu me fais rêver. Je vois pas pourquoi ça serait pas bon. Ouais. Ah, ça, c'était pour tes deux recettes. Maintenant, c'est le moment, si je comprends bien, de faire ton tour de l'actualité, okay, oui, selon ton propre filtre. Tout à fait. On commence tout ça avec l'homme qui a fait jaser de lui le plus à travers le monde ces derniers temps, Harvey Weinstein. Oui. On sait, tout le monde le pointe du doigt présentement, mais qu'est-ce qui se passe avec Harvey Weinstein présentement? C'est mieux que 8 points. Oui, en effet. Qu'est-ce qu'on fait de son côté? Bien, présentement, on serait en cure pour addiction sexuelle de, ouais, la part de Harvey Weinstein. Donc, la thérapie, ça se passe soit très bien, soit de façon désastreuse, parce que, bon, il y a des tabloïds qui en parlent, mais on ne sait pas trop comment ça se passe. Il a sorti lui-même de chez eux. Il a parlé à certains médias, surtout TMZ, pour ceux qui connaissent la chaîne TMZ. C'est du gossip. Là, du paparazzi, c'est ça. Donc, on a fui Los Angeles peu de temps après s'être fait filmer justement par la chaîne de tabloïd, disons ça comme ça. On sortait de la maison d'une de ses filles, on était entouré de gardes du corps. On s'est adressé aux caméras comme quoi on filait pas. Il va pas très bien, mais il essaie et il doit se soigner. Donc, il a fait des erreurs et il croit qu'il a besoin d'une deuxième chance. Donc, on parle... pas tout de suite. Non, c'est ça. On parle d'une semaine de thérapie intensive pour Harvey Weinstein, sachez-le. Le service de presse du producteur a annoncé qu'il commençait justement de sa propre initiative une cure de désintoxication le 14 novembre. Les premières informations qu'on a eues depuis l'intérieur de l'établissement ont été publiées le 19 octobre par Page Six. C'est une page à ragot du tabloïd New York Post. Donc, une source non identifiée a rapporté assez de détails grotesques pour, ah oui, plaindre un petit peu un tableau particulièrement dommageable. Donc, Weinstein est en plein délire et ne prend rien de tout ça au sérieux, apparemment. Ça se passe pas super bien de son côté. Il s'est montré méchant. Il aboie dans son téléphone. Comme quoi, il avait pas le droit d'avoir ça avec lui, mais qu'il refusait de s'en défaire. Il refuse de reconnaître aussi les attaques sexuelles présumées en insistant qu'elles avaient été consensuelles. Oui. Oui, j'en doute pas. Deux jours plus tard, par la suite, TMZ a donné un nouveau point d'étape sur la thérapie d'Harvey Weinstein. Et cette fois-ci, ça se dépeignait de façon un petit peu plus positive. On en fait la source anonyme, un psychologue du centre disait que le producteur a quitté le centre de soins après une semaine de thérapie intensive pendant laquelle il a travaillé sur sa façon de gérer sa colère. OK, ouais, ouais. Fait que 30 ans de mauvais caractère en une semaine intense, c'est fini. Tout est réglé. Tout est beau. Son attitude envers les autres et le respect de l'espace vital d'autrui. Ouais. Donc, ce sont les choses qu'on aurait touchées pendant cette semaine intensive-là. On a aussi parlé d'un début de travail sur l'empathie. On a décidé de rester un mois supplémentaire en Arizona parce qu'on veut continuer à travailler avec les médecins, mais sans distraction d'Hollywood. Quelque chose... Genre Harvey Weinstein? C'est ça, exactement. C'est une distraction d'Hollywood, ça? Exact. Les mêmes tabloïdes, il faut le savoir, lui servaient un petit peu d'armes dans le passé. Donc, c'est intéressant, en fait, de noter qu'il y a certains de ces tabloïdes-là qui racontent depuis les premières loges la tournée de rédemption d'Harvey Weinstein. Ouais. Et ce sont les mêmes qui, pendant des années, lui ont donné de la gloire. Ouais. Ça lui servait d'arme un petit peu pour détruire la crédibilité de ceux et celles qui osaient s'attaquer à lui. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Donc, la page 6 du New York Post, par exemple, bien, on prompte un peu à enfoncer Weinstein. On s'était montré beaucoup plus compréhensif en 2015, pendant que l'actrice italienne Ambra Gutierrez avait voulu porter plainte contre lui pour attouchement. En fait, la chaîne, bien, le New York Post, page 6, s'était montré quand même du bord d'Harvey Weinstein, et là, c'est complètement le contraire. Ah ben. Donc, on trouve ça un petit peu bizarre de la part d'Harvey Weinstein. Mais sachez-le, on travaille sur lui présentement. On est du côté du Texas, en Arizona. Prends ton temps à la place de faire ça. Comme si t'étais déjà correct. Là. Exactement. Tu veux venir? Et où mon argent? Non, ouais. Pas tout de suite. Ouais. Tu restes là. Ben, ben, loin. Prends de tout ton trou, mais pas toutes les c'est trous. C'est ça, exactement. Prends juste le tien. Juste le tien. Par la suite, Twitter, on va parler de Twitter oui, un petit peu. Le Twitter. Parce qu'on promet beaucoup plus de transparence sur les publicités politiques. On se rappelle, dans les derniers temps, on disait que peut-être que Twitter avait fait... bonne figure pour Donald Trump durant les élections. Oui. On avait peut-être fait... La Russie et exactement. Tout. Donc, Twitter a annoncé un petit peu plus tôt cette semaine des mesures pour être beaucoup plus transparent sur les publicités politiques qui apparaissent sur le réseau social. On parle des annonceurs et des utilisateurs aussi qui sont ciblés. Donc, l'entreprise entend mettre en place une politique beaucoup plus stricte concernant les contenus publicitaires. On parle d'améliorer les contrôles qui sont déjà existants. On parle aussi de lancer un centre qui va recenser des informations sur les annonceurs et le message de ces contenus qui va être sponsorisé. Donc, les ads qu'on voit un petit peu partout sur Twitter, bon, mais ça va être vraiment encadré de façon beaucoup plus sérieuse. Ouais. Pour ce qui est de la clarté de la chose, pour que ce soit clair, quand vous allez voir un contenu qui fait de la publicité électorale, on va demander aux annonceurs d'identifier clairement leur publicité en tant que telle. C'est genre, ceci est une publicité. C'est juste logique de le faire. C'est logique, c'est très logique. C'est comme dans les films, je suis ta-ta-ta-ta-ta-ta et j'appuie ce message. Oui, exact. Ça va ressembler à ça, peut-être. Donc, on va également changer l'apparence de ces publicités-là pour faire apparaître, justement, les visuellement qu'il s'agit de publicité politique, chose qui n'aurait peut-être pas été faite dans le passé. Bon, souvent, c'est une petite ligne que la couleur est un petit peu différente, mais tu sais, ça a vraiment l'air du contenu. Là, exactement, parce qu'en fait, Facebook, Twitter, Google ont trouvé sur leur sites respectifs des contenus qui étaient financés par des intérêts russes pendant la campagne. Et c'est ça qu'on va essayer de contrôler un petit peu plus dans Facebook, le prochain. Sur Facebook, il y avait eu des vlogs, des capsules genre YouTube. Il y avait eu des memes qui avaient été postés par, ça a été prouvé plus tard, par des agents russes. Oui. Des memes. Oui. Tu sais, fait que c'est pas marqué, c'est un meme, c'est pas marqué publicité dessus. Non, non, ça c'est fait peur un peu quand même. Ça fait très, très peur. Ouais. Du côté du Québec, eh bien, on a une avancée québécoise dans le dépistage du cancer du sein, sachez-le. Moi, je pensais que ça allait être quelque chose qui se ferait peut-être plus aux États-Unis, mais non, on est fiers que ça se fasse au Québec. Ouais. Donc, c'est une étude internationale à laquelle ont participé des chercheurs québécois. On a trouvé 72 nouveaux gènes liés au cancer du sein, ce qui double à 35 % la proportion de cas héréditaires qui peut être prédit par des analyses génétiques. Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, votre grand-mère a déjà eu le cancer du sein, bien, de façon génétique, ça double à 35 % la proportion que vous allez peut-être en avoir un. Les chercheurs veulent maintenant mettre sur pied un programme de dépistage qui va permettre justement d'identifier les femmes qui ont deux fois plus de risques d'avoir un cancer du sein dans leur vie et que ça se fasse beaucoup plus rapidement aussi. On n'y pense pas, mais à 20, 25 ans, temps, ça serait peut-être le temps de commencer à vérifier ça, même un petit peu plus tôt vers l'adolescence. Donc, en 2013, il y a eu un consortium international de la recherche auquel participe Génome Québec. C'est eux qui ont fait cette fameuse avancée-là du côté de la recherche. On avait déjà fait passer de 27 à 75 le nombre de marqueurs génétiques qui étaient associés au cancer du sein. Et l'annonce qui a été faite un petit peu plus tôt cette semaine, ça a été publié dans les revues Nature et Nature Genetics. Donc, ça a augmenté le nombre total de marques de 108 à 180. Wow. Donc, c'est un bon chiffre. Ça veut juste dire qu'on va devoir faire un petit peu plus attention du côté des femmes, justement, que ce soit côté génétique ou que ce soit tout simplement juste un fait que tu penses peut-être avoir une masse ou quelque chose. S'observer, se scruter un petit peu plus du côté des femmes, ça va être vraiment la clé du succès. Faites comme Harvey Weinstein, touchez-vous. Exactement. Sinon, vous allez peut-être avoir un test génétique à passer une seule fois. Mm-hmm. Ça va se faire pour les 180 marqueurs identifiés jusqu'à maintenant. Ça coûterait environ 200$ par femme présentement. Il faudrait qu'elle passe un test une fois dans sa vie, probablement aux alentours de 40 ans, ce qui représente des coûts d'environ de 10 millions par année si on compte pas, par exemple, la nécessité de cibler toutes les femmes de tous les âges au début du programme. On va vraiment viser ceux qui présentement ont déjà des marques génétiques. Et si une résonance magnétique détecte un cancer beaucoup plus tôt, bien les coûts du traitement vont être moins grands. Ah. Donc, c'est une bonne avancée. C'est une étude internationale, mais c'est quand même le Québec qui se met sur la map un petit peu grâce à tout ça. Hey, on est-tu content d'avoir gardé nos couvercles de yogourt rond? Hein? On adore. Ouais. Et en terminant, un athlète qui est canadien, qui fait beaucoup parler de lui, mais qui fait pas tant parler de lui comparativement à Eugénie Bouchard qui s'est fait parler d'elle. En fait, je parle de Milos Raonic au tennis. Il s'est blessé récemment, mais on a annoncé cette semaine la fin de sa saison. Et le Canadien a indiqué qu'il va être de retour au jeu en décembre lors du championnat du monde de tennis Mubadala. Oui, voilà. C'est un tournoi préparatoire, en fait, à Abu Dhabi. Et mercredi, on a annoncé tout ça par l'entremise de Tennis Canada. Donc, le tennisman de l'Ontario va faire partie d'un impressionnant duo de joueurs qui a écourté sa saison en raison d'une blessure. Donc, on parle de Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka aussi. Et le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, va être aussi de la partie dans ce tournoi-là. Donc, j'ai hâte de voir comment va avoir été sa remise en forme. Raonic va participer à ce tournoi préparatoire-là pour une troisième année consécutive. Mais là, on le sait que la saison est écourtée, donc on va travailler très, très fort. Mais de ce côté-là, j'ai pas vraiment d'inquiétude du côté de Raonic par rapport à sa blessure. C'est sûr que si on prend le temps de bien travailler sur ça, on devrait revenir en force. C'est un joueur de tennis qui sait très bien de montrer de quoi il se chauffe et il est très, très bon sur le terrain. Donc, je vois pas pourquoi, si les soins sont faits adéquatement, pourquoi il pourrait pas nous revenir en bonne forme en décembre. Absolument. Je connais tellement pas le tennis que si on me demandait, genre, hey, veux-tu venir jouer au tennis, amène ta raquette, je me tromperais et j'amènerais ma raclette. Oui, peut-être. C'est ça des choses qui arrivent, c'est ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir, vas-y. Sur ce malaise. Merci. Et une autre chronique de Tania is gonna entertain ya tous les jours à l'assemblage requis. Oui. On se casse pas la tête? Non. Hein? Du tout. Une seule chronique avec autant de sujets? Oui. C'est quoi? On aime ça. Alors, on prend une pause. Au retour, finalement, dans l'ordre prévu. On a une invitée surprise, Mathieu. C'est vrai. Ah, est-ce que... est-ce qu'on entend? Non? T'es gêné. Je veux pas dire allô? T'as quel âge? T'as quel âge? Ariel, t'as quel âge? Elle veut pas te parler, Mathieu. Non. Hey, hier, c'est drôle. J'étais dans l'autobus. Bon, on peut accueillir Stéphanie Paradis. Oui. Tout de suite. Salut, Stéphanie. Stéphanie aussi. Ouais. C'est ça. On a juste amené sa fille. Sa jolie fille en studio sur la chaise, mais super gênée. Hier, je l'ai croisée. Il y a des enfants qui sont un petit peu plus, du genre à parler aux gens. Oui, facilement, ben oui. Extraverti. Oui. Il y a une fille qui est dans l'autobus. Là, je pense qu'elle a. Je peux confirmer qu'elle a 2 ans, elle me l'a dit. Mais, son père rentre avec sa poussette à 2 places chaque jour, le matin, presque chaque jour. Puis les deux filles, tu sais, sont en train de parler vraiment fort. Mais d'habitude, il adresse pas la parole à personne. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, elle a croisé mon regard. Puis elle a commencé à me faire signe, genre. Oh. Puis elle me dit, genre. J'ai deux ans. Mais là, elle te voit souvent, fait que tu tombes dans son cercle de gens qu'elle connaît. Je pensais qu'elle me disait qu'elle s'appelait Rosa. Ah! Je dis, Rosa, c'est donc un beau nom. Non, 2 ans. Ah. Bon, je comprends pas tant les autres. J'essaie de non, mais la c'est faire normal, on comprend les nôtres, mais on comprend pas ceux des autres. Ça. Ben oui. On va lui donner son propre micro tantôt pour la chronique, ça. On va l'entendre dessiner. Elle veut pas te parler. Mais tout le long en voiture, elle, elle a dit... parlé. Mais c'est parce que j'ai dit, on s'en va à la radio. Oui. Là, tout le long, on dit, en voir radio, maman. En voir radio. Cute. Oui. Trop cute. Et on a parlé de plein de choses inappropriées, mais elle comprend rien. C'est ça? Ça comprend pas mal plus qu'on attention, pense. Attention. Oui. Attention avec tes histoires de trous, Mathieu. On parle de beigne. Oui, oui, oui, les trous de beigne. On va y donner fin, en les fait. Les Timbits. Je suis sûr qu'elle en, Ah non, j'aurais pas dit ça. Elle sait ce qu'est un beigne. Ouais. Mais elle pointe les micros présentement. C'est ça. Mais elle veut pas parler lorsqu'on lui donne. C'est pas grave. On va prendre une pause. Oui. Pour tout le monde ici. Et on va retour. Revenir avec la chronique télé. Ah, j'ai hâte. De Stéphanie et Ariel. J'ai tellement hâte. Oh non, on l'a. Ah. Ouais, ben si tu touches, on n'entendra pas que tu le touches. Non, malheureusement. Non. Elle est flat. Je pense qu'elle pense que c'est un chat qui est sur le micro. Un chat mort. C'est ça. Comme un Harvey Weinstein, il faut faire attention. On prend une pause et on revient tout de suite. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage antipotra aujourd'hui. En ce jeudi 26 octobre 2017, elle est Tania Bonner. Et Mathieu Plante. Oui, on a Stéphanie Paradis toujours en studio avec oui. nous. Et le micro magique s'est fait un nouvel ami. Oui. C'est Ariel qui est avec le micro magique aujourd'hui. Donc, si elle a quelque chose à dire, le micro magique est là. Oui. Est-ce que tu savais que c'était un micro magique, Ariel? Il est magique. Il fait sortir le son même de quelque chose qui n'est pas fort. C'est cool, hein? Bref. Alors, peut-être plus tard. On verra. Mais pour l'instant, ben, avant de passer à ta chronique, je voulais savoir la recette de ton smoothie vert. Moi, ça? Ouais, Steph. Ben, c'est simple. C'est du vert. Une demi-banane. OK. Une grosse poignée d'épinards. Ah ouais? Et un mélange de fruits congelés que je change à chaque fois. C'est parfait. C'est merveilleux, mais la couleur est beaucoup plus belle quand on met de la mangue que des fraises, par exemple. Oui, fraises, hein? Ça donne un bel petit brun. Ouais. Fait que mangue, c'est beaucoup plus appétissant. Ça vient ressortir le vert. Là, il y a un peu de fraises. C'est pour ça qu'il n'est pas... aussi appétissant qu'il pourrait l'être. Mais ouais. Il est excellent, soit dit en passant. Ça a l'air très bon. Ariel, ta recette de smoothie préférée, des Lucky Charms, hein, c'est ça? Qu'est-ce qu'on met dedans? Des petits jujubes? Non? Des Jelly Beans? Ah, des Jelly Beans? Jelly Beans? Des bonbons. En tout cas. On mange-tu des smoothies ou bonbons? Des Timbits. Ah! Des Timbits dans un smoothie, Ariel? Je pense que c'est Pet Non, Petit, elle adore ça. Le smoothie vert en passant. Ouais. Oui, oui, oui, oui. Tu l'éduques bien, c'est bon. c'est le moment de parler de télé avec Stéphanie Paradis. Et voici Patate de Sofa. Monde capote parce que t'es avec nous pour parler de télé. Ça fait un mois. Ça fait longtemps. La dernière fois, je crois que la susmentionnée Ariel n'était pas tout à fait dans ses états. Non, non, absolument. C'est moi qui n'étais pas dans mes états. Ah, je me rappelais pas. J'étais dans d'autres états. Oui, dans le Maine, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Bref, t'es avec nous pour parler de télé comme toujours. T'as découvert quelque chose dans les dernières semaines. Je sais que c'est difficile pour toi. T'as beaucoup de séries que tu veux regarder. Ah oui, oui, c'est difficile. Mais là, malgré toutes les nouvelles saisons de séries quand même importantes dans l'univers du petit écran qui sortaient ce mois-ci sur Netflix, hein, et que je suis, donc on parle de Once Upon a Time, Riverdale, Stranger Things, c'est quand même des très gros noms, mais j'étais comme pas dans le mood. J'avais le goût d'une série dramatique jeunesse. Donc, moi, j'ai découvert cet intérêt pour le genre avec The Fosters. Oui. Ça s'est poursuivi avec Gilmore Girls. Puis, il me semble que j'avais le goût de poursuivre dans cette même veine-là. Est-ce que tu as écouté les plus récents Gilmore Girls, nouvelle saison? Oui, c'est médiocre. Ah, pour vrai, j'aurais pensé pareil, c'est la même créatrice. Ah non, je suis en train de me taper toutes les vieilles saisons pour l'écouter. Mais tu sais, Mais justement, je me dis peut-être que si tu l'écoutes 10 ans après, t'es content. Ouais. Si tu l'écoutes tout de suite après, t'es déçu. C'est trop différent. Sont plus mesquines. Okay. Tu sais, avant, quand ils disaient des choses sur les gens, mais c'était toujours un peu... rigolo. Oui, c'était un peu naïf, c'était ouais. un peu innocent. Là, on sent qu'il y a comme un petit... Une pointe méchante, ouais, un petit pointe un peu désagréable. En tout cas, moi, ça... Mais bon, ça a bouclé la boucle. Je me dis, oh non, ça aurait... Pourquoi c'est fini? Puis là, t'écoutes ça, tu vas voir, c'est correct, finalement, puis c'est fini. On s'entend que Gilmore Girls, c'est un investissement majeur de temps. Là. Tellement. On s'entend, c'est quoi? C'est 7 saisons. 7 saisons de genre 24 épisodes mais chaque. Mais c'est là. Si bon. Ouais. Pour vrai. Et à la fin, c'était vraiment un gros deuil parce que tant dans leur quotidien. Mm-hmm. Puis, ouais. C'est ça. Ben ça, moi, j'écoutais pas ce genre de série-là quand j'étais le public cible, finalement. Ouais, c'est ça. J'écoutais pas ça. Donc, j'imagine que c'était l'approche de la trentaine là, qui me donnait peut-être le goût... c'est le rendu, moi, ici. de me plonger dans ce genre de série-là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Switch at Birth, qui est aussi une série de ABC Family comme The Fosters. Mm-hmm. Cool. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas The Fosters. Donc, c'est l'histoire d'un couple de lesbiennes interraciales, mm-hmm. Lina et Steph, avec un fils biologique d'un précédent mariage hétérosexuel. Non? Donc, c'est le fils biologique de Steph. Mm-hmm. De deux jumeaux d'origine hispanique, Jesus et Mariana. Et qui vont accueillir ensuite en famille d'accueil Callie et son jeune frère Jude. Donc, des Fosters, c'est leur nom de famille, mais on sait, en anglais, ça veut aussi dire famille d'accueil. Oui, exact. C'est quand même intelligent, comme je dis. C'est merveilleux. C'est très, très bon. C'est super bon comme série, en plus. Ouais. C'est vraiment très, très bon. Et c'est un peu dans la même veine, je dirais, Switch at Birth. Il y a le... On essaie d'intégrer des sujets un peu plus différents, si on veut, mm-hmm. qui vont amener beaucoup à la réflexion. Donc, je vais en parler un peu plus tard de ce qui a fait ce changement-là. Parle dans le micro, Ariel, c'était quoi à dire? Qu'est-ce que tu as à dire, ma puce? Canimals. Canimals, c'est quoi ça? Ça, c'est des animaux en boîte de conserve oui, okay. qui crient tout le temps. C'est une série coréenne. Ah. Ma fille aime bien ça, elle appelle ça Minou. Ah, elle t'a amené le livre en plus en studio. Non, ça non, c'est son c'est livre patate. De patate. Mais est-ce que tout dans ta vie, Stéphanie, tourne autour de la patate, la pomme de terre? Ou Oui, quand même. OK. Des livres de patates, des titres de collègues de patates? C'est une patate à vélo en passant, là, pour les enfants, là, c'est un succès monstre. Cool. Bon. Si elles disent. Ah, hein? Vraiment. Switch at Bird, donc c'est une série de type drame familial. Donc, on parle pas de sitcom vraiment dans pas. Le cas-là. Donc, dès les premières secondes du premier épisode, tout de suite, tout se met en branle pour découvrir que deux jeunes filles, nées le même jour dans le même hôpital, mm-hmm. bien sûr, ça facilite les choses, mm-hmm. ont été échangées à la naissance. Imaginez, là, deux filles pas nées le même jour dans deux hôpitaux différents, c'est quand même compliqué de les échanger à la naissance. Et qui ont pas la même couleur de cheveux, ils ont absolument rien en commun. Hein? Non, pas du tout. Donc, les deux adolescentes, désormais âgées de 15 ans, quand l'histoire commence, finalement, c'est ça, proviennent de deux milieux très différents. Donc, la première, Bekenish, est la fille d'un ancien joueur de baseball et d'une mère au foyer dans un riche quartier. Comment t'as dit Bekenish? B. B. B. B comme B. B. B. B. A. Y. Okay, ouais, B. Ouais, son B. nom, c'est B. Oui. Comme la plante, ah, oh. si je me trompe pas. Et ouais, la baie du son aussi. Oui, aussi. Ah, peut-être. Ben oui. Oui, oui. Et la seconde, Daphné Vasquez, qui a été élevée dans un quartier plutôt pauvre dans l'est de la ville de Kansas City, dans une famille monoparentale. Mm-hmm. Regina, qui est la mère de Daphné, risque de perdre son loyer. Donc, l'occasion se présente pour que Regina, Daphné ainsi que la grand-mère, ils habitent les trois ensemble, emménagent dans la guest house. La maison pour habiter. Hein, maison d'invités des Kenish, ils ne sont pas riches pantoute. Ce qui va permettre à tous d'apprendre à se connaître. Donc, bien sûr, ça semble le scénario idéal, mais ça va engendrer bien des conflits, des questionnements. Donc, il va y avoir beaucoup de recherches d'identité. Hein. Donc, imaginez, vous apprenez du jour au lendemain que finalement, vos parents, c'est pas vos parents biologiques, puis il y a personne qui est au courant de ça. Donc, on se questionne beaucoup. Donc, B, par exemple, va découvrir qu'elle tient son talent artistique de sa mère biologique. Et Daphné qui a hérité des talents sportifs de son père. Il va y avoir aussi des conflits sur l'éducation. Mm-hmm. Oui. Imaginez, vous voyez votre enfant, mais qui est élevé par des gens que vous connaissez pas. vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe, surtout que vous provenez pas du tout du même milieu. Donc, ça aussi, ça va engendrer des conflits. Mais on s'entend, c'est principalement au début, là, l'histoire évolue beaucoup plus. Oui, là, ça passe dans un autre sujet. Donc, ça devient un peu mis au second rang, ouais. Là, le switch at birth. C'est, ouais. C'est plus, on s'entend, une excuse pour démarrer la série. C'est ça qui est dommage dans le titre, par contre, parce qu'en tant que tel, mettons, de Fosters, bon, tu sais, c'est sûr que ça va rester une famille d'accueil, c'est large comme. Alors mais que il va switch, toujours rester switch at birth. Oui, ils vont toujours ouais, rester changer à la naissance. Il y a toujours quelque chose qui va ramener. Tu sais, de passer 15 ans à être élevé par ce que tu crois être tes parents. Ça. Ils sont pas échangés à la naissance en français. Non. Ils sont switched. Oui, c'est ça. Ouais, ils se sont trompés de remise ouais. De bébé à la famille. Tu comprends le principe? Oui, en oui. Français, la série s'appelle Switched, ce qui est ridicule. Parce ben que oui, c'est complètement. Vraiment laid. Ouais, je sais. Donc, on se demande aussi, ben, qu'est-ce qui nous serait arrivé si on n'avait pas été échangé à la naissance? Quel genre de vie on aurait mené? Quel genre aurions-nous rencontré? On demande aussi, peut-être on peut se demander, les parents, si on avait la chance de revenir dans le temps, est-ce qu'on le ferait malgré qu'on. Le sexe pour avoir des enfants? Hein? Si on pouvait revenir dans le temps et annuler l'échange à la naissance, est-ce qu'on le ferait? C'est quand même une réflexion à faire parce que l'enfant qu'on a élevé, ça reste ton notre enfant. C'est ça. C'est à la limite comme un enfant adoptif. C'est comme ton enfant, tu l'aimes d'amour. Tu voudrais pas en perdre un au profit de l'autre que dans le fond, tu connais pas, ouais. Même si c'est la chair de ta chair. C'est ça. Donc, ça apporte beaucoup à réflexion tout ça. On a aussi B qui va essayer de retrouver son père biologique, hein, parce que je disais que Daphné Vasquez provenait mm-hmm. d'une famille monoparentale. Donc, il va voir aussi la recherche de ce père biologique qui est parti. On ne sait pas exactement pourquoi tant qu'on ne le retrouve pas. Donc, il va avoir aussi un procès. Hein, on peut penser peut-être, ben, l'hôpital, un procès contre eux. Ouais. Donc, ça aussi, ça va se dérouler. Mais il va avoir aussi des conflits par rapport au procès, le pourquoi on le fait? Est-ce que ça vaut la peine? Par principe, j'imagine. Donc, beaucoup, beaucoup de choses autour est-ce de ça. Est-ce que c'est une erreur ou ben, c'était voulu? Complot? On ne sait pas. On ne sait jamais. C'est pas l'émission Le Complot, là. Ben, drame, on ne sait pas. Ouais. Ah! Donc, je vais quand même arriver à un point très important, à ce qui donne une couleur tout à fait unique et différente à la série. Daphné Vasquez a été atteinte de la méningite à l'âge de 3 ans et a perdu l'ouïe. Oui. Donc, elle lit par contre très bien sur les lèvres et parle, contrairement à plusieurs personnes sourdes. Donc, ça va être une très grande adaptation pour les kéniches qui devront s'habituer à parler plus lentement, pas tous en même temps, regarder dans sa direction. Mm-hmm. Donc, ils vont comprendre par la suite que c'est pas à Daphné de s'adapter, mais à toute la famille d'apprendre mm-hmm. à signer. Donc, ça signe vraiment beaucoup, beaucoup dans l'émission. Oui, vraiment. Il y a des sous-titres beaucoup. Et oui. Fait intéressant, tu savais que l'actrice... est vraiment sourde. Ben, en fait, elle est malentendante. Ouais, c'est ça. Malentendante. OK. Hein. Ouais, donc justement, j'arrive, je voulais parler de tout ça. Donc, à la vue de tout ça, on se demande, ben, qui est sourd, qui est pas sourd, qui que quoi dans où. Donc, il y a quand même, oui, une bonne partie du casting qui est sourde ou malentendante. Il y a même de nombreuses scènes qui sont tournées exclusivement en langue des signes américaine. Mm-hmm. Pour moi, c'est vraiment du bonbon. Moi, j'ai adoré apprendre la langue des signes québécoise. Si j'avais pu poursuivre, je l'aurais fait, mais c'est quand même très dispendieux parce que c'est pas nécessairement accessible si on veut poursuivre là-dedans. Ah, il devrait vraiment, pour vrai, au Québec, là, faire du doublage de langage des signes pour le mettre en québécois. Genre, ce serait juste des bras à l'écran par-dessus les autres. Ça mais non, mais on voit ça des fois là, dans les conférences, ben, les trucs gouvernementaux, ouais. Les commissions, puis tout ça. Il y a la petite bulle dans le coin avec quelqu'un qui signe. C'est très drôle. Moi, je trouve ça merveilleux. Donc, en fait, Cathy Leclerc, qui incarne Daphné Vasquez, est malentendante. Donc, elle, à l'âge de 17 ans, elle a appris qu'elle était atteinte de la maladie de Ménière, mm-hmm. comme sa sœur aînée, son père, si je me trompe pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas écrit, mais il me semble que c'est ça. Donc, ça mène... Parce qu'ils jouent pas à TV, eux autres, on s'en fout. C'est ça, on s'en fout. Donc, ça mène éventuellement à la perte de l'audition. Donc, sa sœur aînée enseigne la langue des signes américaine. Donc, ben, tout de suite, elle s'est lancée pour apprendre la langue des signes. Et pour la série, elle a développé un accent de personne sourde, oui, pour son rôle. Mm-hmm. Parce qu'en tant que telle, elle entend un peu. Ben quand même bien, ça va et ça vient. Oui. Ariel est bavarde en ce moment. Oui, ah. Mais elle bavarde pas dans le micro qu'on lui a donné, non. Malheureusement. Elle va venir bavarder dans le mien. Ah, cute. Non. Elle sait donc, que ça s'en rend compte parce qu'elle l'a entendu dans l'auto. Toi. Oui. C'est pas secret. Non. Une mousse. Oh! Oh! Donc, oui, On rappelle qu'on parle de l'émission Switched at Birth dans la chronique de Stéphanie Paradis. Donc, oui, où c'est que j'étais rendue? Hein, ça devient mêlant avec Katie LeClair. Un enfant. Oui, exactement. Katie LeClair, oui, qui c'est est malade donc, tendon. Ils ont développé, elle a développé un accent de sourde pour son rôle. On va l'entendre sans accent dans deux épisodes. Ah? Soit dans un rêve, il y a un épisode presque complet où on présente des réalités alternatives. Ah, c'est cool, ça. Donc, moi, c'est là que ça m'a fait cliquer. Wow, wow, wow. Ça peut pas être ça, le fake. Tu ouais. peux pas faker de parler comme une personne pas sourde quand tu l'es. Ouais. Donc là, tout de suite, ça m'a mais ça répète, interpellé. Ça aurait pu être un doublage, ça aurait pu être quelqu'un qui ah non, fait mais, la voix. Non, non, mais c'était clairement vraiment, sa voix à elle. Surtout quand on l'écoute en version originale, on le voit tout de suite. Là. Si ouais. ça avait été un doublage, là, on aurait peut-être pu se poser la question. Exact. Donc, ils se demandaient beaucoup comment on fait ça pour que ce soit respectueux, hein, inventer un accent. Mm-hmm. C'est quand même difficile, mais ils voulaient vraiment donner cette force-là au personnage avec un accent. Excusez. Elle joue avec le micro, c'est drôle. Oui, avec ma face aussi. Mais justement, en fouillant sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait une pétition qui avait été rédigée par des personnes sourdes afin qu'ils changent d'actrice. Bon, comment? Qui alléguait qu'elle ne s'est pas signée correctement et que de s'inventer un accent est irrespectueux. Il comparait ça carrément au phénomène de blackface. Ben voyons. Il disait que de prendre une personne entendante pour faire une personne sourde, c'était comme prendre une personne blanche, de lui maquiller le visage et de dire que c'était une personne noire. Je comprends l'argument, mais en même temps, tu sais, des gens qui jouent des handicapés, ça se fait. Des gens oui, qui jouent des ça. Gens transgenres, ça mais existe. Mais elle est pas malentendante, là, malentendante. Oui, oui, elle est malentendante, sauf que il disait dans la pétition qu'elle ne s'identifiait pas à cette communauté malentendante. Ou sourde. Est-ce qu'ils lui ont demandé? Ben j'imagine, là, en entrevue qu'ils ont dû dire ça. Moi, j'ai pas fouillé nécessairement, là, à savoir si elle s'identifiait à cette communauté-là. Mais selon moi aussi, faut que la personne aussi corresponde au rôle. Oui, et j'imagine. Un bon acteur aussi. Oui, c'est ça. Là. Mais il y en a quand même beaucoup des personnes sourdes dans, dans la série. Mais n'empêche que faut que tu correspondes au profil. Puis on s'entend à la vue de quelqu'un entendant comme nous qui ne signons pas, pour nous, elle signe très bien. Moi, personnellement, j'ai quand même vu une différence là, avec les personnes qui sont réellement sourdes. On voit quand ils épellent des noms, c'est juste à la vitesse de l'éclair, c'est incroyable. On sent là, qu'elle a un accent quand elle signe, parce que ça reste une langue. Sauf que, je veux dire, elle a le droit de parler la langue. Je veux dire, combien de personnes vont... inventer un accent russe puis dire qu'ils viennent de la Russie, mais que dans le sens, ils sont pas russes. T'sais, bon, mettons, tu regardes un film, mettons, puis c'est un informaticien, puis ils font des cossins à l'écran, puis ça n'a pas l'air vrai du tout pour quelqu'un mais qui non, connaît ça. C'est un acteur. Est-ce que tu vas engager seulement des informaticiens pour jouer des informaticiens? C'est de l'acteur. Elle on ne fera pas croire que toutes les personnes qui jouent de la guitare à la télé jouent de la guitare pour c'est vrai ça. Dans la c'est vie. Ça. Et tous les super-héros dans les émissions de super-héros sont des vrais super-héros. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Ils portent les bobettes à l'extérieur de leur tout colonne. Fait. Tout le monde. Donc, c'est logique. Il y a 254 personnes qui ont signé la pétition. Hey, c'est pas grand-chose aux États-Unis. Mais je pourrais pas dire c'est quoi le ratio sur les personnes sourdes là-dedans. Je connais pas l'étendue de la communauté. Mais bon. Bref. Ensuite, on a Sean Birdie qui incarne Emmett Bledsoe. Elle a fait le signe. Oui, j'ai fait le Emmett. Et quant à lui, sourd de naissance, donc la langue des signes américaine et sa langue maternelle, il est le meilleur ami de Daphné. L'actrice qui incarne la mère d'Emmett, Marley Matlin, est sourde depuis l'âge de 18 mois. Cette dernière est la plus jeune actrice à avoir reçu un Oscar. Ah, ouais. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, la plus jeune actrice qui a reçu un Oscar est sourde. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais. C'est en 1987. Mais il n'y a pas de pétition qui a été signée pour elle. Non, mais elle est sourde ouais, pour c'est vrai. C'est elle qui a participé. Fait que là, ça les fâche pas. C'est... Non, je penserais pas. Je voulais justement... Le Emmett, là, moi, je le vois tout de suite, là, le nom. Quand on regarde, par exemple, une série en anglais, après, on a comme de la misère à re-switcher si on veut revenir en français. Ça nous arrive des fois de chercher nos mots en français puis d'avoir l'expression qui nous vient en anglais. Bien, ça nous fait la même chose en langue des signes. Pas vrai. Ça m'a fait la même chose. J'étais en voiture. Je m'en allais à Montréal. On s'entend, le trafic, c'est quand même assez dense. Il y a une personne qui m'a laissé passer, puis je lui dis merci en langue des signes, mais ça s'est fait tout seul. Mm-hmm. Sauf que c'est comme le haut de la main, le bout des doigts au menton, et on fait un petit geste vers la personne. Ça ressemble vraiment beaucoup à un bisou. Oui. Donc, les gens dans la voiture avec moi, ils ont dit, mais pourquoi tu as envoyé un bisou? Oh mon Dieu, non, c'était tellement pas ça. Ça s'est fait tout seul, c'est merci. Merci hein? Donc, j'ai trouvé ça quand même très drôle, mais ça s'est fait tout seul. Donc, oui, le phénomène s'étend à la langue des signes, c'est la même chose. C'est une autre langue, puis ça, ça vient nous chercher. Ah, c'est le fun, ça. Est-ce que c'est assez différent du langage des signes québécois pour que le merci veuille dire... Oui, ça, je pense que c'est international, non? Non, le merci, si je me trompe pas, c'est la même chose. Il y a quand même des signes qui se ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup. Sûrement la structure des phrases est différente, peut-être, genre. Non, il en parle à un moment donné. La structure des phrases, c'est toujours le verbe à la fin, en fait. Ouais. Ah, OK. Donc, en langue des signes québécoise, c'est ça. Et si je me trompe pas, il en parlait à un certain moment dans la série, c'était le verbe à la fin. Donc, selon moi, c'est la même structure en langage des signes. Donc, c'est quand même un peu plus facile. Ouais. Là, mais c'est clair que si tu écoutes Switched en français, en pensant que le langage des signes t'a donné quelque chose dans la vie, tu sais, après, on n'a pas par là, tu sais. Non, mais sauf si tu veux aller parler à des Américains. C'est ça. Ouais. Mais il y a quand même des signes qui se ressemblent, d'après moi. Tu peux justement commencer à parler à un sourd au Québec. Là, d'après moi, il y a quand même plein de choses qu'il comprendrait. Un Espagnol nous dirait certains mots, on les comprendrait parce que ça se ressemble beaucoup. Mm-hmm. Donc, selon moi, ça serait un peu équivalent, le espagnol-français. Dans la même famille, mettons. Même peut-être plus proche, mais là, je pourrais pas dire parce que je le connais pas tant que ça. Et ensuite, comme acteurs principaux, celle qui incarne Bekenish, c'est Vanessa Marano, que je connaissais personnellement comme étant April Nardini, la fille de Luke dans Gilmore Girls. Mm-hmm. Donc, moi, j'étais bien contente de la revoir. Elle apparaît aussi dans Grey's Anatomy et The Young and the Restless, qui est un soap. Oui, c'est la sœur, je crois, de la fille qui joue dans Jake and Austin et le truc. Ah, ça se peut? Disney, là. Austin et l'autre, là. Jake and Austin? Ouais, c'est ça. Jake and Austin? Et j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est des musiciens, chanteurs. Ah, c'est comme Disney. Ben, en tout cas, ben. Ça date de 15, ça? Là. Ah, c'est ça, je connais pas. Donc, l'aspect de la surdité, tant qu'à moi, très bien exploité. C'est très intéressant. On découvre beaucoup sur la communauté des personnes sourdes ainsi que sur leur réalité. Ce qui arrive quand même très rarement. Hein. On n'a pas accès à ça aucunement à la télé. Les personnes entendantes... souvent croient que c'est trop difficile de communiquer avec les personnes sourdes. Ouais. Donc, ils vivent beaucoup dans une bulle. C'est une communauté très, très fermée. Donc, je trouve ça génial de mettre ça à l'écran. On entre à l'intérieur d'une école pour personnes sourdes. C'est très, très cool. Et c'est fun que ça ait du succès aussi comme émission. Oui, oui, c'est ça. La recherche d'emploi. Des fois, on peut se demander, mais c'est quoi une sonnerie de téléphone, une sonnette à la porte, oui, un réveil matin? Tu veux boire du lait? Mais monte pas la poitrine de ta mère à la radio. Non, c'est ça. C'est pour un public familial, c'est Michel. Ah non, l'allaitement, c'est général. PG-13. Donc, oui, c'est ça, mais on met quand même pas trop l'accent là-dessus. C'est sûr, au début, c'est un peu plus présent. Est-ce que tu veux du smoothie? Ah, miam, du smoothie. Il est vert, en plus. Oh, tu peux le prendre, ma belle. Tu sais comment boire tout ça. Donc, c'est ça, ça prend pas nécessairement toute la place. Ça s'intègre magnifiquement à la série. Il y a 5 saisons à la série. La dernière saison a été diffusée au début de 2017. Mm-hmm. Je suis actuellement à la saison 2. Alors, j'ai quand même pas pu aller lire à la tonne là-dessus parce que je voulais pas me faire dévoiler les spoilers. Le punch de la finale. On voulait quand même pas aller jusque-là. Et ça vient de se terminer, tu dis que c'était la dernière saison, la saison C'est ça, ça a terminé 5. En avril 2017, si je me trompe pas. Okay. C'est quand même des saisons longues. Oui. La première saison, c'est 30 épisodes. Ouais. C'est énorme. Mais ça veut dire que ça a vraiment eu beaucoup de succès pour que la première saison soit augmentée à 30 épisodes. Mais c'est quand même un peu spécial, même je dirais dérangeant un petit peu, parce qu'il y a un certain moment, on est rendu... D'après moi, elle a pogné un petit bout de framboise. T'sais, ça fait ça dans la gorge. Peut-être. C'est possible. Ouais, c'est ça. C'est des choses qui arrivent. C'est ça. Bon. On va faire deux choses. Donc, approximativement, autour de l'épisode 23, c'est un peu comme si on était en début de saison. Mm-hmm. On est habitué, saison jeunesse, ben il y a une ellipse rendue à l'été. Puis, ben on revient l'été passé, puis on raconte brièvement ce qui s'est passé durant l'été. Mais là, ça arrive à l'épisode autour de 23. Ah ouais, c'est donc c'est comme, ah mon Dieu, comment ça elle arrive des îles Galapagos? Pis... Est-ce que c'est parce que c'était censé terminer plus tôt? Peut-être, j'en ai aucune idée. Je pense sur ABC Family, d'habitude, maintenant c'est Freeform le nom, mais bon. Mais en fait, ça fait ça aussi au début de la saison 2. Ah, OK. Il y a comme des... Mais c'est qu'ils diffusent en demi-saison sur ABC Family. Peut-être. Donc, la première saison à l'automne, puis la première demi-saison, puis la deuxième. Oui, mais on fait ça comme il restait 7 épisodes. Ça, c'est un peu étrange, mais bref. Tu sais, t'arrives, il y a une ellipse dans le temps. L'été passé, puis là, la rentrée scolaire se passe à la fin de la première saison. Mm-hmm. Ils ont plus la même coupe de cheveux. Il y en a qui ont maigri. Là, tu le sens qu'il y a vraiment une coupure dans le tournage autant que dans l'histoire. Donc ça, c'est un peu perturbant. Finalement, oui, c'est tout. Hein? Je suis rendue là. Sur une échelle de patates germées à poutine extra fromage. Oui. La cote. Moi, j'ai dit que c'était des patates hash brown. Ah, fait qu'on aime ça. Ben oui, on aime ça. T'sais, c'est goûteux, c'est généreux, c'est croustillant même à certains moments. Donc, tu pourras manger une tonne sans te tanner. C'est excellent avec un bon café, un froid matin d'automne. Ah, c'est oui. J'adore ça. Je me souviens, j'ai écouté quelques épisodes de la première saison. Puis je sais pas pourquoi, je crois que j'ai déménagé entre-temps. J'ai arrêté de l'écouter. Mm-hmm. Mais il faut vraiment que je me remette dedans. C'est comme plein d'autres séries où je dis ça. Mais je me souviens que j'aimais vraiment beaucoup, justement, à cause du langage des signes qui était mis à l'évidence dedans. C'est vraiment drôle. Puis une petite série bonbon, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu peux écouter ça. C'est un peu comme lire un petit... C'est un livre d'été. Oui. Tu sais, c'est lire un petit chapitre avant de te coucher. C'est café pas trop... Café et un jeans! Même affaire! Mais oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas trop lourd. Il y a pas, justement, de conspiration et tout ça. Donc, elle vient de dire que c'était donc pas voulu, l'échange non, des enfants. Non, c'est ça, peut-être pas. Donc, non, c'est ça. C'est très agréable à écouter. Puis, mon Dieu que je vous le conseille. Vraiment. Ah ouais. Si vous aimez le genre de série de Foster, Gilmore Girls, vous êtes nostalgique de vos années d'adolescence, je vous le conseille fortement. Exact. Ah, merveilleux. Cool. J'adore Switched ça. At Birth. Donc, sur ABC Family Freeform aux États-Unis. Ça joue à VRAC en français, mais c'est pas important. Ah oui? Allez voir sur Netflix à la place. Mais clairement. Oui, il est sur Netflix. Oui. Mais oui, mais oui. Ah, sinon, Steph, elle nous en parlerait pas. Si non, pas c'est ça. Non, j'ai pas écouté ça en français à VRAC. Je sais pas si ça a eu du succès. Mais j'aurais pas pu non plus rusher 50 épisodes. Non, c'est ça. Il aurait fallu t'attendre. Ouais. Ça ferait 50 semaines. Pourquoi les gens écoutent encore ça de même? C'est pour 50 épisodes. Hey, je suis rendue à 50 épisodes écoutés, là. Oh, wow. C'est fou, là. Ça s'écoute bien quand on aime ça, là. C'est. T'arrêtes pas, puis le prochain commence tout seul. C'est ça, exactement, c'est le même. Extraordinaire, merci beaucoup, Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Une autre chronique d'une autre émission de Netflix dans 2 semaines. Ouais. Tu seras pas malade. Ça va être encore Switch at Bird. Ouais. Il me reste encore, il me reste encore 3 saisons et demie. Elle va nous parler de l'autre saison. Il va y avoir un suivi là-dessus, c'est clair, à un moment donné. Clairement. On te remercie, on remercie Ariel, et on vous invite à rester pour... Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Ça vous tente. On prend une pause. Au retour, une grosse pointe en dresse. Et puis, je pense qu'on peut dire petite tendance Halloween là-dedans. Oh! C'est pas dans ce qu'on va manger. Pas. Non, on mange pas en fait. On mange pas? On va manger? Non. Hein? Non? Non. Ah, OK. Ah oui, c'est OK. C'est toi, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est ça. Ouais, changez de poste pour entendre comme depuis Mathieu. Le début de l'émission, je dis que c'est un produit que j'amène. C'est vrai. Puis que c'est raison. Pas de la bouffe, mais Mathieu, on dirait qu'il y a une mémoire à court terme qui Non, mais c'est que je me rappelle d'avoir mon produit dans mon sac, mais. Ah, ben on peut faire un duo. Mais non, en même temps, ça va nous étirer ça sur une plus longue période. Merveilleux. Pour une autre fois, c'est juste que j'aimerais ça ne pas oublier ces facteurs. OK. Est-ce que les multivitamines vont aider ma mémoire, non? Je sais pas, peut-être. Ça dépend s'il y a des oméga 3 dedans, Mathieu. Mon médecin dit, il en prend pas de multivitamines, lui, puis il est bien correct. Il est bien correct. Fait que ça doit être correct de rien prendre. Hein. C'est ça, exact. Si mon médecin dit. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Bonjour à Sandra Jouquier, ce jeudi 26 octobre 2017. Tania Baudin est là. Et Mathieu Plante aussi. Stéphanie Paradis est toujours là aussi. Oui. Ariel est là. Mm-hmm. Ariel a la bouche pleine. Ben c'est ça. Oui. Je pense qu'elle a déjà commencé à goûter ce qu'on va goûter cette semaine. Hein? Oh, peut-être. En forme de, comment dire, demi-sphère. Mais ça sera pas directement à la source. Hein? Je l'ai pas tiré pour vous. spécialement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu l'as mis sur ton poignet pour savoir si c'est la bonne température? En fait, saviez-vous que c'est le cru du coude? Ah non, je savais pas ça. Oui, mais en tout cas, de toute façon, au sein, t'as pas besoin. Hein. C'est toujours à la température parfaite, jour et nuit. C'est ça qu'Ariel est chanceuse. Exactement. Là, nous, on va se contenter d'autre chose. Oui. Qu'on va goûter ensemble, c'est le choix de Tania, cette semaine, dans une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse, c'est la chronique où on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur ou encore dans un autre endroit que Tania nous dira plus tard. Oui. Et que je garde absolument dans mon tiroir. Est-ce que tu as fait la même chose que moi, le garder dans ton tiroir? Je l'ai gardé dans mon tiroir dans le bureau avant de m'en venir avec, oui. Partie de mode! Exactement. En fait, c'est le seul endroit où que ça pouvait rentrer sans que ça soit vu par les gens. C'est ça. Et que les gens pensent que j'étais en train de me saouler au travail. Oh, c'est de la. Ça l'affaire, Mathieu. Parce que là, j'avais une question pour Steph que je ne sais juste pas, en fait. Quand tu allaites, est-ce que tu as le droit de boire? Oui, tu as le droit. Mais je suis désolée, je casse ton fun en matin. En fait, je voudrais dire, selon le docteur Newman, hein, qui est le spécialiste numéro 1 en allaitement, il dit, et je cite, « Si t'es pas capable d'aligner ton bébé, ben demande à quelqu'un d'autre de le faire! » Mais tu sais, c'est juste pour démontrer que faut pas se casser la tête. Dans le fond, ce qu'on a dans le lait, c'est l'équivalent dans le sang. Donc, tu sais... Quand t'arrives à 0.5, là, au 0.6, c'est parce que t'as c'est beaucoup, t'as bu en tabarouette. C'est ça, exactement, ouais. Wow, ben c'est mais bon, en fait, aujourd'hui, peut-être que je vais te rendre heureuse parce que vu que ta fille est déjà en train de boire, ben il n'y aura pas d'alcool qui va sortir parce que c'est du sans alcool. Oh yeah! Okay, bon. Cool. En fait, je l'avais dit il y a quelques temps, je fais le mois d'octobre, donc automatiquement, je peux pas boire. J'ai découvert des vins sans alcool qui sont quand même assez merveilleux. Je suis allée à la SAQ récemment. Je me suis informée à savoir si eux avaient des vins sans alcool. Ils m'ont dit que oui. Et la jeune fille qui était en train de me conseiller m'a conseillé de ne pas prendre de vin rouge. Ah. Parce que selon elle, le vin blanc sans alcool est meilleur que le vin rouge. Ah, mais c'est subjectif. Là, si elle exactement. Par contre, lorsque je suis arrivée chez... chez IGA. Parce que c'est la seule place où vous pouvez vous le procurer ou sinon c'est le métro ou Cap... C'est la compagnie Les Cocottes. J'ai parlé de l'importation qu'il y avait sur Internet, qui est l'importation Navino, qui fait l'importation de ces bouteilles-là. Donc, c'est entièrement québécois. C'est désalcoolisé, en fait. Donc, il reste des traces, tu disais. Exactement. Puis, sur la page Facebook, les gens aimaient beaucoup le vin rouge désalcoolisé. Moi, je me suis dit, c'est merveilleux, je vais acheter un blanc, un rouge, puis un mousseux, pour en avoir pour tout le monde. Est-ce qu'ils sont pas mal plus chers que les vrais? Non, en fait, c'est souvent moins cher. Wow. Ça va jouer aux alentours de 8 à 10 $ approximativement. On adore ça. Puis, ce qui est le fun avec le vin des cocottes, c'est que, comme je le disais, ça a été désalcoolisé. Donc, on va quand même avoir certaines vertus du vin, c'est-à-dire que si vous aimez le vin sec, certains vont pouvoir garder justement cette caractéristique-là. Si vous aimez ça fruité, si vous aimez ça corsé, il y en a beaucoup qui vont ressembler à ce que ressemblerait votre vin avec alcool. J'en ai déjà goûté que ça goûtait pas mal juste le jus de raisin. Ah, pour vrai? C'est un petit peu pour ça que j'ai apporté le rouge ce matin, c'est que je l'ai pas encore goûté. Le blanc, je me serais sentie un petit peu tricheuse parce que je l'ai goûté, je l'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime les vins blancs qui sont quand même secs et ce vin-là, désalcoolisé, était quand même sec. Donc, je suis restée surprise, j'ai apprécié, je me suis dit, maintenant, il faut que je passe au rouge. Faut que je le teste et je vous l'ai amené. C'est une très grosse bouteille, sachez-le, mais c'est à bouchon refermable. Ah, donc, on va pas nécessairement tout boire ça on aujourd'hui. On est jeudi! Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est un Merlot. On dit 0,0%. Donc, on a vraiment désalcoolisé à la majorité ce qu'on était capable de faire. Et sur l'étiquette, eh bien, ça dit « Les cocottes est une boisson sans alcool appréciée de tous pour ses arômes parfumés de notes de fruits rouges et son équilibre en bouche. » Donc, en apéritif, en accompagnant des barbecues, viande rouge et fromage, c'est un plaisir des sens qui se marie avec aisance à de nombreuses occasions de consommation. On peut ajouter à même la bouteille aussi. Hein? Oui, hein, même la bouteille. La dernière fois, on disait aussi que les vins sans alcool, c'est pas nécessairement comme les vins avec alcool. Ils ont une durée de vie. Le rouge va durer un petit peu plus longtemps que le blanc. Le blanc va souvent tourner aux alentours de 3 ans. Le rouge, ça va être 5 ans. OK, pas ouvert, mais une fois ouvert comme du vin normal, c'est quoi, une journée ou deux? Oui, c'est ça, exactement. T'essaies de pas le mettre sur une longue durée, là, parce que sinon, automatiquement, c'est sûr que le goût va changer à cause de l'aération qu'il va y avoir à l'intérieur de ta bouteille. Mais ce qui est bien, c'est que le sans alcool, tu peux boire la bouteille au complet sans flécroche. C'est tellement le fun, là! Tu peux la finir. C'est ça, exactement. Fait que si aujourd'hui, vous voulez du vin sans alcool, passez à la station. Parlant de quelqu'un qui boit pendant vraiment longtemps, Ariel, elle a soif rare, hein? Oui! Mais c'est correct, ça. On aime ça. J'essaie de regarder. En passant, le vin sans alcool a vraiment moins de calories que du vin avec alcool. Mais oui, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas le sucre de fermentation de l'alcool. C'est enlevé lors de la désalcoolification. Mm-hmm. Donc, on adore ça. Donc, rappelle-nous ce que tu as pensé du vin blanc avant. Le vin blanc, j'ai adoré. Okay. C'était quand même fruité et sec. C'est le même nom, les cocottes, mais il est blanc. Celui-ci, c'est un chardonnay en passant. Puis celui-ci, c'est un merlot et il est rouge. Génial. Donc, on teste ça. Micro magique qui... qui appartenait à Ariel, mais maintenant, je l'utilise. Force fort. Oh. Donc, je le disais, capsule. Twisca. Ça sent... En tout cas, moi, je trouve que ça sent bien. Fais-nous sentir au micro magique. Oui. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Je vais me verser le premier verre parce que le premier verre est taché, je sais pas pourquoi. Fait que je vous le donnerai pas, c'est pas super cute. Et galante. Ouais, pas pire. Ça se verse pareil comme du vin. Oui, puis la texture a l'air d'être la même. Merci. Je vous dirais que j'ai déjà essayé du vin rouge avant, désalcoolisé, ou 0.5, et ça n'avait pas cette couleur-là. Donc, je ne sais pas si le vin que j'avais testé était cheap. Est-ce qu'ils ont du colorant peut-être dedans pour avoir vraiment la vraie couleur? Non, c'est vraiment la couleur du raisin, parce qu'il faut savoir que ça l'a passé par la même formule que le vin normal. C'est qu'il y a une étape qui est ajoutée et c'est qu'on retire l'alcool qu'il y a à l'intérieur du vin. Donc, est-ce qu'on la met dans d'autres vins? Peut-être. Peut-être qu'il y a d'autres vins qui sont à plus haut pourcentage parce que... Grâce aux cocottes. C'est ça, exactement. Mais ce que j'aimais, c'est que c'est québécois. Donc, oui. C'est d'ici. C'est merveilleux. Ça va goûter le Québec. Je vais aller t'amener le tien, Mathieu. Ça va goûter l'indépendant. Merci, Tania. Elle fait le service au table. Mais à l'odeur, on sent que ça sent beaucoup plus le jus de raisin que le vin. C'est sûr que... Ça sent le Welch's. C'est à base de raisin. Oui. Fait que ma fille pourrait goûter, là. Ben, oui, en théorie, oui, il y a 0,0. Puis sur le site d'importation d'Avino, il y en a qui sont pour les enfants. Ah, des petits mousseux pour qu'ils puissent fêter Noël. C'est dans des petites bouteilles? Oui. Ah, c'est des mini bouteilles. Oh. Ouais. Elle a l'air d'avoir les joues qui font un petit pincement. Oui, elle a pas l'air d'apprécier. Sa face est comme... pas sûr. Donc, ah, mais elle m'a dit que c'était bon. Bon, Ariel aime. Bon. C'est bon, Ariel? Tu vois, t'as eu la chance de goûter avant nous. C'est la première fois que ça arrive. Là. C'est merveilleux, on adore ça. Est-ce que on teste? On lève notre verre. On lève notre verre. Stéphanie lève son sein. Oui, c'est ça, exactement. OK, on y va. Ça goûte vraiment plus le jus de raisin que le vin. Oui, vraiment. Ah oui. C'est pas mauvais, mais ça goûte... C'est pas mauvais. Il n'y a pas le kick du vin. Non, c'est ça. Mais on ressent quand même qu'il est sec. Il est très sec, oui. Donc, je sais pas si vous aimiez le vin, le vin rouge sec, là. Il est, je le trouve sucré. Pas mal oui, sucré. Quand même, fruité, oui. Oui, très sucré. En fait, je pourrais pas boire une bouteille au complet. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est un petit peu la différence entre le vin sans alcool versus le vin avec alcool. C'est que vu qu'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, tu t'arrêtes. Oui, ben ouais. La saveur est vraiment différente d'un vin rouge. Mm-hmm. Si tu veux boire ça pour comme parce que tu as un craving ou une envie vraiment de vin rouge. De vin rouge. Non, moi, ça me satisferait pas. Non. Faudrait que je teste avec de la viande, tu sais, un steak, un filet mignon. Ouais. Mais tant qu'à moi, celui-là, il est trop sucré pour accompagner une viande rouge. Oui. Ça se peut, ouais. Mais là, il est à température frais. J'allais dire que peut-être que réfrigéré, ce serait peut-être un petit peu mieux, mais... En tout cas, Ariel l'aime. Oui, hein? Ben, ça fait jus. Oui, c'est ça, exactement. Tandis que le blanc, ça se goûte beaucoup moins. Là, je fais la grande différence, en fait, entre le cocotte blanc et le cocotte rouge. Ouais. Le vin blanc, on sent vraiment plus l'idée du vin derrière. Ouais. C'est beaucoup plus sec. C'est moins sucré aussi. On sent quand même le goût un petit peu acide du vin, mais ça me fait vraiment, vraiment beaucoup penser, je suis loin d'être connaisseur de vin, vous le savez, ou d'alcool. Ça me fait un petit peu penser à du vin que tu as laissé au-delà du 2 ou 3 jours dans le réfrigérateur du vin rouge. Ouais, où l'alcool s'est évaporé. Il y a eu le temps de fermenter un peu. C'est ça, pour vrai, ça me fait penser à ça un peu. D'habitude, je le fais. À triple, là! Hey, c'est le fun, ça. On a trouvé quelque chose pour aller, pour commencer ta la carrière de buveuse de ta fille. C'est un starting kit. Laisse-la sur le sang d'alcool. Enlève les étiquettes, elle ne saura jamais. Oui, toute sa vie, tu lui dis. À 15 ans, tu lui donnes ça. Ben ouais, t'en as bu quand t'étais jeune. Ben, pour vrai, elle boit sans cesse. Elle boit autant là qu'au ouais, sein. Oui, elle a l'air vraiment à triper en plus. C'est-tu bon, Ariel? Bon? Est-ce que tu connais le système de cote, Ariel? Il faut mettre le pouce soit en l'air, sur le côté ou en bas si t'aimes pas ça. Tu mettrais ton pouce où, Ariel, toi? Est-ce que tu mettrais en haut ou en bas? Ou sur je dirais un côté? En haut, hein? À la façon où elle boit son verre présentement, je dirais c'est en haut. Elle a trop été bien éduquée et elle parle pas aux étrangers. C'est ça, non, c'est ça. Stranger danger! Pouce en l'air, hein? Okay. Je vous dirais que je le mets sur le côté. Moi aussi. Tout simplement pour la différence entre le blanc et le rouge. C'est sûr que si t'as une envie de ça, prends pas ça. Mais n'empêche que c'est très bon à boire. Pendant le mois d'octobre ou ailleurs, hein? Exactement. Pour ceux qui veulent pas, tu sais, si tu veux entrecouper du vin rouge et ça, peut-être même pour te calmer avec de l'eau un petit peu. Oui, oui, oui. Pour mais moins même, boire c'est psychologique aussi. Ben je dirais la forme de la bouteille vient un peu combler un certain besoin. C'est un peu comme l'équivalent de la cigarette électronique. Ouais, c'est la forme, le mouvement qu'on fait, tu sais, déboucher la bouteille, verser dans une coupe, la couleur et tout ça. Avoir une coupe dans les mains. Oui, ouais, c'est ça. Ben, donc, je pense que dans ça. Dans sa chronique, elle disait que c'était pas mal bon pour ceux qui veulent pas avoir à dire aux gens pourquoi ils boivent pas. Hey, t'es-tu enceinte? Ouais, nan, ouais, nan, c'est ça. T'amènes ça, ça paraît pas bon tout. J'ai dû dire ça un moment donné dans un bar parce que les gens voulaient absolument que je bois. Puis là, j'ai dit non, je peux pas, je suis enceinte. Tu sais, quand t'es rendu à être obligé de mentir parce que les gens sont pas assez respectueux. C'est ça. C'est un problème dans la société. Exactement. Hein? C'est ça. Pas rien qu'Éric Salvaille, le problème. Il est là, hein. Non, Gilbert Rozon aussi. Gilbert Rozon. Michel Brûlé. Eh boy, j'ai le parent. Oh, crime. 4 sur 4. On est rendu au segment d'émission où on parle de nouvelles de fast-food quelques minutes. Et j'ai une thématique aujourd'hui. C'est la dernière chronique de Grosse Pointe avant l'Halloween. Oh là là! Donc, on va parler de produits citrouillés. Un peu aujourd'hui. On commence ça. Avec le popcorn, Pop Secret, Pumpkin Spice. Ah, c'est le fun, ça. Saveur classique de l'automne, édition limitée. Ouais, ça fit. Pour moi, ça fit. Ouais. Non, mais j'en mangerais de ça. C'est quelle marque? Pop Secret. Ah! Ouais. J'en ai à la maison que j'ai acheté citrouille épicée. C'est Boom Chica Pop. Oh, wow! Boom Chica c'est Pop! C'est un sac mauve que j'ai pris chez Provigo, si je me trompe pas. Mm-hmm. Et ça goûte le ciel. Ah, le ouais? Ciel! C'est excellent, c'est sucré, c'est épicé. Il faut dire que Stéphanie a un parti pris pour les produits citrouillés parce que tu en as acheté plusieurs exemplaires oui. De plusieurs boîtes de mini-wheat à citrouille. J'ai acheté 5 boîtes de mini-wheat citrouille épicée. Tu l'as jusqu'en décembre, c'est ça? Il me reste 3 boîtes. J'ai entendu dire aussi que tu avais peut-être eu la chance de goûter au Belay's Pumpkin Spice. Oui! J'ai goûté aussi, c'est vraiment très bon, hein? C'est excellent. Je dirais que c'est un peu l'équivalent du lait. Du lait naturel citrouille épicée, okay. Mais avec le petit goût du Belay's dedans. Non, ah, miam. C'est vraiment parfait. Ah, Ariel! Tu veux descendre? Pourquoi tu veux le descendre? Ariel, pourquoi tu veux descendre le micro? Tu veux parler dedans? Est-ce que tu as goûté à quelque chose qui goûte à citrouille, toi? Elle veut pas te parler, elle parle à sa mère, that's it. Elle veut pas parler au gars. Non, c'est ouais, ça. Ouais, je l'époux. Hey, c'est bien parfait, ça. On va continuer comme ça. Encore une couple d'années. Starbucks. Oui. Hein, ramène la crème fouettée à la citrouille épicée. C'est vrai, ben c'est déjà le cas, c'est déjà fait en ce moment pour le Pumpkin Spice Latte. Si vous voulez mettre de la saveur de citrouille dans d'autres cafés, c'est le 14e anniversaire du Pumpkin Spice Latte en ce moment. Ils ont offert ça au début du mois d'octobre dans les Starbucks participants aux États-Unis. Vous pouvez sûrement en trouver sur Internet en quelque part. Justement, parlant de Starbucks, ils ont un menu secret et il y a du jus de citrouille que tu peux demander. Si les Pumpkin Spice Latte, c'est pas assez pour vous, selon The Kitchen, vous pouvez demander sur le menu de Starbucks d'avoir une boisson qui est pas vraiment du jus de citrouille, mais qui goûte le jus de citrouille. Okay. Tu demandes du jus de pomme jusqu'à la ligne du haut sur le verre. Oh. Elle dit ça, c'était Ariel. C'est Ariel, le micro? Je savais pas que tu parlais, j'étais pas ouvert. Tu veux, du moment que nous, on parle, elle nous parle plus. C'est ça. Donc, tu demandes du jus de pomme jusqu'à la dernière ligne en haut du verre, quelques pompes de sauce à de citrouille épicée, et tu peux ajouter un petit sprinkle d'épices de citrouille pour aller avec le reste de glace dans ton verre. On aime ça! Est-ce que vous avez goûté au latte citrouille chez Morgane? Non. Oui! C'est bon! Je l'ai beaucoup aimé. que la petite crème fouettée, là. J'ai pas mis de crème fouettée parce que je suis intolérante au lactose, mais... Ah, ouais. C'est vraiment très, très bon. Je coupe sur ce que je peux, tu sais. Mais c'est pas, citrouille épicée, hein. On n'a pas la petite épice qu'on aime ça d'avoir. C'est vraiment juste citrouille et c'est excellent. Et j'ai vu quelqu'un écrire sur, sur Facebook... une de mes connaissances amies sur Facebook dire qu'elle avait détesté ça puis qu'il fallait absolument qu'elle l'écrive sur Facebook tellement qu'elle n'avait pas aimé ça. Ah c'est subjectif, là. Mais c'est parce que c'est peut-être pas le goût qu'elle recherchait. Elle recherchait peut-être les petites épices. Exactement. C'est ça. Si on recherche citrouille épicée, là, c'est pas la même chose, pas exactement la même saveur, mais je trouve que ça goûtait plus la citrouille. Ouais. C'est contrairement à toutes les autres où on pourrait juste oublier de mettre le mot citrouille. Tu dirais à ton ami qu'ils ont un petit pot à cannelle sur le bord où est-ce que les couvercles, fait que après le mettre. Ensuite, on a les Rice Krispies Treats. Les petits carrés Rice Krispies à la citrouille. À la tarte à la citrouille, en fait. C'est pas juste à la citrouille. Tarte à la citrouille, donc ça doit goûter un petit peu la pâte. Oui, un peu aussi. Ça a l'air vraiment excellent. C'est en édition limitée, ça aussi. Ensuite, Pumpkin Spice Pizza, bien sûr, parce que tout doit avoir du Pumpkin Spice. C'est donc dans ce cas-ci... Je suis pas certaine, ça, par exemple. C'est Villa Italian Kitchen. C'est dans New Jersey. Ça s'appelle l'Alternative Facts Pizza, en référence bien sûr aux faits alternatifs de la présidence Trump, parce qu'on vit dans le passé encore un petit peu ici. Donc c'est de la pâte à pizza qui a été tirée à la main et ensuite on rajoute de la garniture de remplissage de tarte à la citrouille sur la, la pâte à la place de la sauce. OK. Et après ça, la pizza, et on rajoute du remplissage de tarte à la citrouille, donc t'en as le double là-dedans. Je sais pas. Ça n'a pas l'air bon. Ouais, c'est ça, je suis pas certaine. Je pense qu'on est allé trop loin dans ça. Bon. Non, ça a l'air franchement dégueulasse. Ouais, c'est ça. Vraiment. Pour pas le dire là de même là, mais ouais, ça a pas l'air bon. C'est peut-être le successeur de la pizza hawaïenne avec l'ananas. On peut-être. C'est la pizza dessert, c'est très bon, mais là, ça c'est comme un je sais pas, ça marche. Ariel se dénude en passant. Ben, elle fait comme sa mère. Qu'est-ce que tu fais? Tout le temps les mêmes longs à l'air. Caméra 3, caméra 3. Ensuite, on vient chez Starbucks avec la petite pâtisserie à la citrouille qui a l'air vraiment bonne en ce moment chez Starbucks. C'est sur leur menu d'automne. Jug Badger lui donne une très très bonne critique. C'est un mélange de beurre, de vanille, de citrouille et de purée de gingembre. Mais c'est ça que je m'en allais dire. J'ai vu le petit sac à côté, c'est les madeleines. Les madeleines. Mais pumpkin spice. Pumpkin spice chez Starbucks. Oh oui. Ensuite, justement, toujours chez Starbucks, le Pumpkin Spice Latte est tellement populaire qu'ils ont décidé de le mettre en bouteille. Oh! Ouais, donc Starbucks qui sort sa version de 14 onces Ice Pumpkin Spice Latte dans les épiceries. Hein? Rivière. Il est pas mal temps. Ben, ouais. Probablement qu'il y en aurait s'il ouvrait pas juste en 2018. Ouais. Donc le goût de la cannelle, de la noix muscale et du clou de girofle avec de l'espresso et du lait, ça se vend à 2,79 US. C'est aussi disponible en K-Cups pour les machines Keurig. Ah ouais? Si ça vous intéresse. Bien. Voilà. Ensuite... Pumpkin Spice Latte Tracker, qui est un site web qui a été créé par des développeurs web pour les amateurs de Starbucks. Donc c'est Patrick Johnson, développeur web dans Brooklyn, qui a décidé de créer un site web qui informe les gens lorsque le Pumpkin Spice Latte est disponible à chaque année. Donc les gens qui ont besoin de savoir la date officielle où ça commence, il faut aller sur ce site-là. Parce que c'est pas tout le temps clair, hein? Non, c'est ça. Des fois t'arrives là puis c'est comme par surprise, il est déjà arrivé. T'sais. Ouais. Chez CVS, c'est une chaîne de pharmacie aux États-Unis, on a les éditions limitées pastilles à la citrouille. Je suis pas certaine, ça. C'est menthol, ça empêche de tousser, c'est un anesthésique oral qui soulage temporairement, bien sûr, votre gorge, et à la citrouille. Bon. C'est pas trop. Merveilleux. Peut-être. Pourquoi pas, quand t'as un rhume à l'automne, ça pourrait être bien. Ouais. C'est tant qu'à souffrir, là. Souffre, mais avec de la citrouille dans l'air. Mathieu, ensuite, ton langage. Excuse-moi. Reese's. Tasse ta main. Je pensais que tu me disais de pas parler mal, Ariane. T'aurais pu, toi, le droit, tu sais. Je suis quand même un gars docile. Reese's Mini Pieces Pumpkin Face Cookie Pizza, c'est une pizza au Reese's Pieces, donc une pizza dessert avec un bonhomme sourire dessus, pareil comme une citrouille, c'est super joli. C'est mignon. Ça existe. Ensuite, on a la crème glacée, bien sûr. Ben oui! Au beurre de biscuit et à la citrouille. Oh, tout le monde vient de se réveiller. Oh, oh oui. Mon Dieu! Édition limitée, Pumpkin Cookie Butter, c'est donc de la crème glacée. Il y a des morceaux de biscuits. Avec des morceaux de spiculoos, des morceaux de biscuits, pareil comme dans la garniture qu'on se met sur... Avez-vous goûté à la crème glacée citrouille... Non, de où? Non. Et chocolat favori? Hein? Ah, faut que avant que ça finisse. Mais voyons, non? J'avoue. Ah, la savais-tu qu'ils ont lancé un calendrier de l'Avent? Ah oui! Je le sais. Eh bon. Ça me donne trop d'envie, tout ça. On a pas de pastilles tantôt. On a aussi des Werther's Original à la Pumpkin Spice. Bien sûr, c'est des caramels mous. Harvest Caramels, Pumpkin Spice Soft Caramels. Ça a l'air vraiment excellent, ça. C'est des caramels crémeux et mous avec juste un tout petit peu d'épices. Ça doit être bon. Citrouillé. Ensuite, on a une autre édition limitée. Ce son, et là, ça passe vraiment comme au-delà des limites de ce qui est acceptable. C'est un bonbon pour chien qui est fait pour lui laver les dents à la citrouille. Oh boy! C'est recommandé par les médecins, le produit Greenies Dental Treats. Donc, c'est vraiment comme des petits nonos qui sont faits, qui mangent ça. Et en même temps, ça leur lave les dents. Je suis sûr que mon chien aimerait ça. Ouais, mais est-ce que ton chien a besoin de produits à la citrouille? Non, ça, c'est juste des compagnies qui voulaient suivre le rythme. Ouais, mais pourquoi il n'y aurait pas besoin d'un petit treat? Pourquoi pas, j'avoue. Mais c'est clairement pour que les propriétaires en achètent. Ben oui, mais clairement. Oui. Le chien va pas dire « Ah, je peux-tu l'avoir, je peux-tu l'avoir, je peux-tu l'avoir? » Ah non, mais ton chien, il dira jamais ça. Tu pourrais ne rien donner toute sa vie, puis il dira rien. Et puis, il y a peut-être même pas la saveur dedans. Hein? Peut-être. Faudrait que le maître faudrait... goûte. Ouais, c'est ça. Peut-être ça sent. Ah, peut-être. Ça donne peut-être une bonne haleine de citrouille épicée au chien. Ouais, c'est pour ça que le propriétaire aime ça. C'est peut-être ça. Exact. On continue avec un spray. Tu sais, des fois, tu dis, bon, ben, OK. Hey, j'ai ça. Pour vrai? Ouais. Tu dis, tous les produits ont de la citrouille épicée. J'ai un spray pour la pièce, genre, ça... Ah non, mais c'est, celui-là, tu peux le manger. Hein? Ah, OK, non, c'est pas ça. Ça s'appelle Simply Beyond Spray on Spice, The Dry Spice Alternative. C'est biologique, c'est donc des épices citrouillées. C'est à base d'huile, voilà. Et on peut mettre ça sur n'importe quoi. Tu pourrais vraiment te faire un poulet et de le badigeonner avec, je sais pas. Ben voyons donc, toi. OK, non, moi, c'est vraiment, mettons, un aérosol pour une pièce. Ouais, genre un Febreze ou... Ouais, à la pumpkin spice. Franchement. T'as pris ça où? C'est winners. Faut que je trouve ça. Ah, c'est merveilleux, ça sent le ciel. Je splouche ça chaque soir avant d'aller me coucher. Ah, c'est winners, on gagne à y aller. Ah oui, souvent. Ensuite de ça, on continue. Il nous en reste quelques-uns. Je pense qu'on va avoir le temps de terminer ça. On a des Kit Kat à la citrouille. Tarte à la citrouille. Malade, évidemment. Bon, cherchez ça, trouvez-le sur Internet parce que je pense c'est pas avoir vu ça. C'est sûr qu'il n'y a pas ici. Ça ici. Ben je non. Pas, non. Ensuite, des M&M à la tarte à la citrouille aussi. Ben ils sont au chocolat blanc en plus. Ben, en ce cas, ils s'appellent White Pumpkin Pie. Donc, j'imagine que c'est au chocolat blanc. Y en a-tu ici de ça? Moi, j'en ai pas vu. Tristesse? Pour vrai, on n'a pas grand-chose au Québec. Fait que, ça va être triste, ça. Si je parlais juste d'affaires qui sont au Québec. J'aurais rien à mettre dans ma chronique. Même, j'ai vu qu'il y avait des Cheerios citrouilles épicées au Québec. Oui. Mais je l'ai pas vu, moi. Walmart. Non, il y en avait pas quand je suis allée. Peut-être. Mais je suis allée lundi, il y en avait. Hein? Ouais. Trois-Rivières? Trois-Ouest. Dépêche-toi. Ouais, oui. Ouais. Ah, ben ça. Là, j'y vais tantôt. OK. Après avoir été chercher des télévisions. Mais ça, c'est ça, c'était sur un rack, tu sais, comme en exposition. Ah ouais? En forme de rack, avec des boîtes de céréales dedans. Exactement. Je vais aller avec mon GPS. Mène-moi vers les céréales. Ensuite, du beurre à la citrouille épicée. Ça continue de le boire, mais elle fait une face qui n'a pas l'air d'aimer ça, rien. Le vin sans alcool. Ouais. T'as pas de moustache mauve, en tout cas. Oui, ça s'en vient. Une petite. Donc, c'est le beurre Lando Lakes tartinable à la tarte à la citrouille, bien sûr. Donc, ça existe encore une fois aux États-Unis. C'est limité. Mon Dieu. Et le dernier, qu'est-ce que le pumpkin spice? On se pose la question. Depuis le 1er octobre, les produits à citrouille sont partout. La plupart des recettes incluent de la cannelle, noix de muscade, gingembre, vanille, ce qu'on appelle du allspice. Mm-hmm. Mais c'est pas chaque incarnation qui est la même. Selon une petite vidéo de la scientifique culinaire porte-parole de l'Institute of Food Technologists, Kanta Shelky, elle nous dit donc que la concoction, en passant, elle nous dit que la citrouille, c'est bien un fruit. Il y en a qui se posent des questions. Moi, je pensais que c'était un légume. Donc, les compagnies vont ajouter quelques affaires pour imiter le goût de la tarte à la citrouille. Tout ça est surveillé aux États-Unis par le U.S. Food and Drug Administration. On dit que c'est 20 à 50 fois, que ça prouvait à des concentrations de 20 à 50 fois le niveau qui serait accepté normalement. On dit que même si la saveur contient 340 affaires dedans, si on combine entre 5 et 10 % de ces molécules-là dans un mélange, notre cerveau va être capable de penser « Wow, ça goûte la citrouille ». Si je me trompe pas, le allspice, c'est le piment de la Jamaïque. Oui, je pense que c'est ça. Allspice. Hein? Piment de la Jamaïque, t'es fort. Ben, je trouvais que la traduction, c'était comme pas rapport. Ouais, c'est vrai. C'est un arbre de la famille des myrtacées. Ah, espèce des régions oui. tropicales d'Amérique, dont les fruits sont à l'origine d'une épice appelée le 4 épices. Ah? Tu vois, le 4 épices pour le allspice. All, tous ou quatre. C'est comme l'André chez Valentine, mais il faut que j'en parle. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, on me rappelle que j'en parle tout le temps. Ah ben comme oui. Si c'était mon running guy. T'en es pas hein? Revenu? Non. En tout cas. Pumpkin Spice, voilà, pour tout ça. Et c'est tout pour une grosse pointe d'adresse. On a passé à travers tout ce qu'on avait de citrouillé. Ah, c'est merveilleux. Mais non, c'est triste, j'en fais encore de la citrouille, moi. Ouais, oui. Moi aussi. Mais va te chercher des Cheerios. Puis des Timbits. Des Oreos. Timbits, citrouille. J'ai vu qu'il y avait des Oreos à la citrouille. Y en a-tu en ce moment ici? Je sais pas s'il y en a. J'en ai pas vu. Y a jamais rien ici, bâtard. J'ai vu qu'il y en avait en Grande-Bretagne. Oui, c'est ça. Ça fait loin quand même. Ouais. Un petit peu. Voilà, c'est tout pour une grosse boîte à adresse et c'est tout pour assemblagerequis.com. On est presque dans les temps, on va à peine dépasser. Merci Stéphanie Paradis pour ta chronique Patate de Sofa. Et ça me fait plaisir, merci de m'accueillir. Merci Ariel. Merci Ariel. La politesse, on dit quoi quand on dit merci? On dit? De rien. Ah, t'es fine. On remercie aussi Véronique Mire pour sa chronique de la Véroniclopédie. On se retrouve lundi entre 7h et 10h. Sinon, à midi, les Palmarès c'est fou. Mm-hmm. Ensuite, à 13h, la rediffusion du Mathieu Plante Show. Rediffusion d'une rediffusion parce que j'étais pas là. 19h, Très Blues c'est fou. Et dans quelques instants, à 11h, dans une heure environ, ce sera Patriote en action. Bonne fin de semaine! Bon café, tout le monde! Et on se retrouve demain pour l'édition week-end. OK, oui. Ah oui.